Rebonsoir Libreville. Bonsoir. Bonsoir le Gabon. Bonsoir. Je vous aime. Vous aussi. Même quand un père tape sur son enfant, est-ce qu'il n'aime pas son enfant? Si. On peut commencer? On peut recommencer? On peut continuer dans la troisième session. Si vous êtes fatigué, vous me dites d'arrêter parce que pour moi, c'est parler. Non. Ok. On va prier, d'accord, frère? On va prier. Tant de peine, nous te remercions pour ce moment merveilleux que tu nous donnes encore dans cette troisième session, en ce jour, dans ce merveilleux pays, le Gabon. Merci, Père de gloire, pour tout ce que tu as commencé à nous enseigner. Et tu le fais, Père de gloire, pour notre bien, bien que ça fait mal à notre chair. Nous savons, ô Dieu de gloire, que le plaisir de la chair, le désir de la chair ne peut faire te plaire, il ne peut pas se soumettre à toi. Voilà pourquoi, Père de gloire, j'invoque ton saint nom afin que tu aides ce peuple-ci, et nous-mêmes aussi y compris, et tous ceux qui nous écoutent partout, ô Père de gloire, à marcher dans cette voie-là. Car de nous-mêmes, au Dieu de gloire, nous ne pouvons rien. Et nous nous sommes trouvés dans ces salles de la paix de gloire sans en être conscients. Nous voulons nous en sortir. Je prie, Père, pour tous ceux-là et celles-là qui voudraient, au Dieu de gloire, marcher dans la voie de la sainteté. Tu as toujours la main tendue. Tes bras sont toujours ouverts pour, au Dieu de gloire, venir au secours de tous ceux-là qui t'invoquent avec sincérité de tout leur cœur. Je prie, au Dieu de gloire. Et toi seul, Père, connais ces personnes. Je prie, au Dieu de gloire, que tu leur donnes de marcher dans tes voies et que tu les sanctifies toi-même. Car qui oserait de lui-même s'approcher de toi? Je prie donc au Père que tu les tiennes par la main, que tu les conduis sur la voie droite. Ces voies saintes que tu as promis par la bouche du prophète, que même les insensés ne s'y égareront pas. Je prie au Père de gloire que tu leur donnes de retrouver cette voie de la sanctification au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, si vous le trouvez bien, samedi ou dimanche ou bien les deux jours, on entre dans la prière. Après avoir parlé de la Bible comme ça, de cette façon, on entre dans la prière. Comme ça, si s'il trouve quelques esprits en vous, ou quelque n'importe quoi, on les déloge. Amen. Vous voudrez? Amen. Parce que l'autorité a été donnée de les déloger. Amen. N'est-ce pas? Il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, chasseront des démons. Donc, s'il y a quelques esprits qui se placent entre vous et Dieu, permettez qu'on les chasse. Amen. Vous y êtes? Amen. Donc, regardez si samedi ou dimanche, parce que je sais que samedi et dimanche, au moins, la majorité d'entre vous pouvez être libres. Comme ça, on se retrouve là, on prie. Et moi, donc, je vous invite tout simplement de commencer la prière à la maison en disant, Seigneur, si tu trouves quelque chose en moi qui ne te glorifie pas, qu'il sorte. Parce que vous ne pouvez pas servir Dieu avec le démon en vous. Vous ne pouvez pas servir Dieu avec le démon en vous. Ils vont vous faire tourner en rond. À moins que vous voulez les servir. Non. Vous voulez les servir? Non. Donc, dites-vous tout simplement que s'il y a les esprits qui vous dérangent, il faut qu'ils soient délogés. Et on va les confronter ici avec la parole du Seigneur. D'accord? Alors, que Dieu vous bénisse, je m'attends à vous. Si vous avez des questions, posez. Je suis à votre service. Posez toutes vos questions, toutes les questions que vous pouvez avoir. Moi j'ai une question. Je voulais un peu rebondir sur. Tu as quitté ton poste. Ouais, j'ai un peu mal au dos là-bas. Je voulais dire, qu'est-ce qu'il faut penser au fait des hommes de Dieu aujourd'hui qui sont considérés comme des authentiques hommes de Dieu? Oui. Mais qui ont des avis ou bien des positions différentes un peu de ce que tu enseignes. Oui. Sur la cheveure, le voile de la femme, voilà, mm-hmm. Le voile. Mm-hmm. Donc il y en a qui considèrent, bon, je ne vais pas forcément les citer, mais il y en a qui considèrent que la chevelure a été justement donnée à la femme comme voile. Oui. Et que voilà, je ne sais pas, est-ce qu'il faut considérer que ce sont des agents du diable parce qu'ils enseignent des faussetés ou bien quel est ton avis? Ça me pose un problème au niveau de la personne qui enseigne. Vous avez suivi sa question, non? Mm-hmm. Je vais vous répondre de façon générale. Non seulement pour ce passage-là, mais pour tout autre passage de la Bible. Ça me pose un problème. Et ça pose un problème à la Bible. Chaque fois que je suis allé dans la Bible, vous avez vu, j'ai pris un passage ou des passages dans un des personnages, dans un autre personnage, dans un autre personnage. Des personnages différents qui, pour la majorité d'entre eux, ne s'étaient pas rencontrés. Je pose la question, qui enseignait en réalité? Dans ce cas. Qui enseignait dans ce cas-là? C'est le Saint-Esprit, vous convenez? Amen. Ok, maintenant, si le Saint-Esprit peut enseigner à des gens différents qui ne se connaissaient pas, lorsqu'il veut parler dedans son enseignement, il dit une chose. Lorsqu'une autre personne qui n'a pas lu cela veut enseigner, il dit la même chose. Et qu'aujourd'hui, nous avons des avis différents sur les choses dont le Saint-Esprit a déjà parlé, il y a un problème. Oui. Il y a un problème. Déjà, sans que ça ne soit de l'enseignement de la Bible déjà, entre nous qui enseignons aujourd'hui, si nous enseignons sur un même sujet, il y a des avis différents, on a un problème. C'est deux choses l'une. Soit l'une des personnes n'a pas le Saint-Esprit et l'autre n'enseigne pas le Saint-Esprit, ou bien les deux n'ont pas le Saint-Esprit. Et ils s'embrouillent seulement. Vous comprenez ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Voilà. Donc, en clair, ce qu'il veut dire, c'est ceci. Est-ce que les prédicateurs de la Bible ont eu des avis différents sur le même sujet? Pourquoi l'avons-nous aujourd'hui? On a un problème. Il faut résoudre ces problèmes-ci. C'est Dieu qui a créé ces problèmes. Attends, mon cher, garde ta question. Vous comprenez, n'est-ce pas? C'est Dieu lui-même qui a créé ces problèmes. Parce qu'il a demandé de laisser faire. Plusieurs fois dans la Bible, commençant par Jésus, il a dit, il s'élèvera après moi, des faux Christ. Il a dit, pourquoi il ne peut pas arrêter? Il a laissé. Il a dit, laissez-les croître ensemble. Ils sont ensemble. Vous connaissez ça, n'est-ce pas? L'apôtre Paul, lorsqu'il sortait dans Actes Apôtres chapitre 20, il dit, je sais qu'après mon départ, il s'élèvera du milieu de vous, des loups cruels. Il sait. Il n'a pas. Oui. Jésus a quitté la scène en prophétisant ça. Paul, en quittant, prophétise là. L'apôtre Pierre, dans 2 Pierre chapitre 1, 2 Pierre chapitre 2, verset 1, il dit, il y a eu parmi les peuples des faux prophètes. Il y aura parmi vous des faux docteurs. Il se trouve où? Parmi nous. Il y aura parmi vous des faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieux et qui, régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront. C'est une prophétie, frère. Plusieurs les suivront. Et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, je suis en train de continuer dans le verset, dans le chapitre 2 de Pierre. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses. C'est ce que la Bible dit. L'apôtre Jean dit dans 1 Jean chapitre 2, verset 18 et 19, il dit que, mes petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists dans le monde. Ils sont sortis du milieu de nous. C'était Jésus, et c'était Paul, et c'était Pierre, et c'était Jean. Donc ce n'est pas nouveau. Ils sont sortis du milieu de nous. Cela a été afin que tous puissent manifester que tous n'étaient pas des nôtres. Car si il lui était, il serait resté. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son enseignement est vrai, demeurez dans l'enseignement que vous avez reçu dès le commencement. Donc, tout enseignement qui n'est pas en harmonie avec tout ce que les Écritures ont enseigné est forcément de l'esprit de l'erreur. Comprends ça, frère? Donc, un, maintenant. Quand un être humain suit maintenant, ok, maintenant, lequel sera vrai? Puisque une personne, comme tu viens de le dire, enseigne une chose, et une autre personne enseigne une chose sur le même sujet qui se trouve dans la Bible. Comment donc, toi qui es du côté au milieu, tu vas faire la part des choses? Comment tu vas faire? Jean dit, si vous avez reçu l'onction demeurant en lui, l'onction là va vous donner le même enseignement que la Bible dit. Donc ça veut dire que, avec l'onction, tu pourras distinguer parmi ceux qui enseignent sur la nature, sur le plan physique, lequel est conforme à la Bible. D'où la nécessité que chacun lui-même cherche une relation avec le Seigneur. Donc il ne s'agit pas de dire, je suis David avec ce prédicateur. Tu peux être David avec lui, et qu'il ne soit même pas le vrai prédicateur, même s'il enseigne ce qui est bien. Parce que les faux prédicateurs n'enseignent pas tout ce qui est faux. Jacques, de son côté, donc, dit que mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Car vous savez comment on sera jugé plus sévèrement. Donc les enseignants auront une lourde peine devant le Seigneur. Parce que par l'enseignement, tu peux égarer les gens. Et on en regarde. Parce que Jésus a prophétisé que plusieurs les suivront. L'apôtre Paul dit à Timothée que veille sur toi-même et sur ton enseignement. Veille sur toi-même. Il dit à Timothée, prêche la saine doctrine. Dis que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Il enseigne ça, il appelle ça la saine doctrine. Le pasteur aujourd'hui dit que Dieu ne regarde pas à l'extérieur, il regarde au cœur. L'apôtre Paul dit dans la Bible que dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur. Donc Dieu regarde aussi à quoi? Le pasteur aujourd'hui dit que Dieu ne regarde pas à l'extérieur. Qui a tort, frère? Même s'il fait n'importe quoi, l'écriture l'arrête. À cet instant-là, je le rejette, je prends position pour l'écriture. Parce que devant le trône, il ne pourrait pas m'en sortir. Quand il prend l'écriture, devant le trône, Dieu me pose la question, il dit, il est écrit. S'il me trompe avec l'écriture, c'est que c'est lui maintenant le problème. Mais comme Dieu ne peut pas mentir, parce que toute parole de Dieu est vérité, c'est cet homme-ci qui ment. C'est ma position là-bas, frère. D'accord? Ici, une question? Par Oui, en fait, ma question c'est tout au niveau de nos frères chrétiens qui fréquentent ces églises-là. Oui. Moi, j'aimerais savoir aussi pour nos frères qui sont bien appelés à être, qui sont élus. Oui. Donc, il faut fréquenter ces églises-là déjà parce que ces zones, ces pasteurs-là, ils sont nombreux et dans le faux. Oui. Et les pasteurs, c'est-à-dire les vrais, sont très peu. Oui. Donc pour nos frères qui vont en masse dans ces églises-là et qui se disent chrétiens, c'est-à-dire croyants, c'est-à-dire qui suivent cette prédication-là, bien qu'ils soient élus, Oui. Est-ce qu'au final, c'est-à-dire après une fois mort, leur voix qu'ils ont pu suivre là, sera la bonne. Merci pour la question aussi. Regardez très attentivement, si vous lisez la Bible de la bonne façon, vous allez voir, et on a vu ça hier, aucun des enfants de Dieu ne doit s'égarer. Je vais prendre un exemple simple pour que vous compreniez. Quand le Seigneur Jésus-Christ était sur la terre, les pharisiens qui se présentaient devant lui, ils les appelaient race de vipères. N'est-ce pas? C'est ceux-ci qui donnaient les enseignements au peuple. Pas vrai? Mais dans ce peuple-là qui partait prendre les enseignements, ça n'a pas empêché qu'ils pipent Nathaniel, qu'ils pipent Pierre, qui suivaient les enseignements là-bas. Par la suite, il va leur dire, prenez garde, méfiez-vous des enseignements des pharisiens. C'est pas ce qu'il leur a dit. Est-ce qu'il a dit ça à tout le peuple? Non. Il dit à ses enfants, bah, tôt ou tard, il va faire sortir ses enfants là-bas. L'apôtre Paul était quoi, lui-même particulièrement? Il était? Non, il dit Saul là. Il était quoi au milieu du peuple? Pharisien. Donc il était parti de ce groupe où Jésus-Christ disait que tu es, ou que vous êtes de la race des vipères. Donc l'apôtre Paul n'était pas inclus dans la race des vipères. Il avait été perverti parce qu'on n'a pas le choix. Il était là parce que c'est le mouvement de cette époque. Mais il dit, lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein maternel. Ce cas-ci ne se trouve pas seulement dans le cadre des enseignements. Que vous l'admettez ou non, les élus se trouvent dans toutes les strates de la société. Il y a ceux qui sont dans la franc-maçonnerie. Là, c'est encore plus grave. Parce qu'au moins dans l'église, comme tu dis là, ils enseignent au moins la parole de Dieu. Ceux qui sont dans la sorcellerie, il y a des enfants de Dieu qui sont des marabouts. Et que tôt ou tard, Dieu va les retrouver là-bas pour les faire sortir de là. Aucun enfant de Dieu ne mourra pas dans son péché. Aucun. Tu comprends un peu cela? Hein? C'est pour ça dans Apocalypse chapitre 18, le verset 4, lorsque l'aigle frappe au-dessus de la terre, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, c'est pourquoi mon peuple sortait du milieu d'elle. Donc ça veut dire que Dieu va envoyer un message qui va les faire sortir. Afin que vous ne participez pas à ces péchés. Donc aucun des enfants de Dieu ne mourra pas dans ces choses-là. Si tu me comprends. C'est pour ça que les enfants de Dieu vont être dans n'importe quel milieu. Si vous dites n'importe quel mensonge, eux, ça ne les touche pas. À un moment donné, ils comprennent la vérité, ils quittent tout simplement. Amen. Mais celui que tu considères comme ton frère là-bas, tu lui dis la même chose, il te taxe des rebelles. Amen. Il te taxe d'ennemis. Pourtant, initialement, vous appelez frère. Là, maintenant, le pasteur lui-même prend le micro, comme on a dit, il y a tel frère, c'est évitez-le. Évitez-le, il va vous pervertir. C'est comme ça se passe. Partout, c'est comme ça. Donc, aucun des enfants du Seigneur ne mourra dans ces choses-là. D'accord? On a vu ici hier dans un des passages dans Apocalypse, dans Hébreux chapitre 12, à partir du verset 4, qu'il est châti pour leur bien, pour les amener à la sainteté. Il châtie tous ses fils. On a bien dit là, qu'il châtiait tous les fils. Il châtie tous les fils. Il dit que si Dieu ne te châtie pas, c'est que tu es un enfant illégitime. C'est parce qu'on a lui, frère. Voilà. Hébreux, le chapitre 12, verset 4, verset 12. Oui. Dans le cas, par exemple, que... Il va parler à haute voix, frère, celui-ci. Je disais, dans le cas où, c'est-à-dire, l'individu, voilà, il a été touché par un enseignement et tout. Oui. Et il accepte de se repentir. Oui. Et il voit, bon, il va peut-être partir dans une église. Oui. Voilà. Et en allant, on arrive dans une église, là où l'église, c'est-à-dire, bon, n'enseigne pas, ne te nourrit pas. Voilà, mais bien qu'ils enseignent, mais en fait, l'église ne lui nourrit pas. Si tu fais quoi, au fur et à mesure, peut-être un mois, deux mois, il retombe encore, c'est-à-dire dans ce même péché. Oui. Est-ce que pour autant, c'est-à-dire forcément, est-ce que Dieu pourra susciter quelqu'un même de l'étranger pour aller le trouver là-bas, ou bien cet étranger-là pourra venir vers. Lorsque Élie fuyait Jézabel, si nous en parlons dans la deuxième partie. Il s'est arrivé quelque part à côté d'une grotte. Dieu lui a dit, Élie, qu'est-ce que tu fais ici? Il dit qu'ils ont tué tous tes prophètes, je suis seul. Dieu lui a dit que quoi? Il était seul vraiment. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Il dit, tu n'es pas seul. Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal. Élie donnait le compte rendu qu'il était seul. Je vais vous raconter une histoire. Un jour, en 2012, quand on avait fait la conférence à Douala au Cameroun pour la réforme de l'église, Pendant qu'on fait la séance de questions-réponses, il y a un frère qui a levé la main. Il dit, frère Junior, bon, je lui donne le micro. Il dit que maintenant, okay, vous dites quoi, okay, on doit sortir, on doit se réunir. Maintenant, moi, je suis seul. Il dit, tu es où? Il dit que je suis à tel endroit. Là, c'était le coin dans lequel il se trouvait. Il dit, qui t'a dit que tu es seul? La Saint-Esprit pose la question par rapport à ses voisins. J'ai dit, dans la salle avec le micro, j'ai dit, qui est dans son quartier? Tu sais ce qui se passe? C'est une salle de 1500 places. Les gens avec qui il était assis étaient dans le même quartier que lui, mais il ne connaissait pas. Donc, comme ils sont assis comme ça, le frère me pose la question. Mais il ne connaît pas que le voisin s'est arrêté dans son quartier. Le Saint-Esprit dit, pose-lui la question. Il dit, qui est dans le quartier de ce monsieur? Il m'attendait voir que la main sort de ce côté-ci. Mais curieusement, c'était sur le même banc qu'ils étaient assis. Mais ils ne le connaissaient pas. Vous comprenez? Donc, en réalité, les hommes cherchent les hommes au lieu de chercher Dieu. C'est ça le vrai, c'est la pierre d'achoppement là-haut. Quand quelqu'un croit, première chose, quand tu crois, il dit que ton église c'est où, je veux venir là-bas. C'est pour ça qu'il dit aux gens, ne venez pas venir chez moi. Il vient que vous allez dire, non, il ne s'agit pas de moi. Sur internet, les gens disent, frère, on veut voir ton visage. Ce n'est pas mon visage qui est le problème. Écoutez ce qui est là-bas, vous avez la Bible là-bas, vérifiez, vivez ce que la Bible dit. Il ne fait pas de réunion pour que les gens viennent. Non. C'est pour ça qu'il ne fait pas des affiches pour montrer, pour mettre partout que campagne de vaccination en Libreville, venez, jusqu'il va vous guérir ou autre. C'est pas ça. Quand il vient, s'il a les gens à faire, il donne ce qu'il a à donner. Ce n'est pas pour dire je suis seul. Il peut y avoir encore d'autres personnes dans un autre quartier pour faire la même chose. C'est ça, n'est-ce pas? Donc, en clair, si tu crois de la bonne façon, parce que quand une semence germe, quand ça grandit, le processus est enclenché, ça ne descend plus. Quand le processus de grandissement là, quand la semence est mise à terre, quand ça sort, vous avez vu une semence qui sort après, elle dit que non, il faut tout chaud, il rentre. Vous avez vu ça, frère? D'où vient-il quand on sort? On est en Christ, on rentre. On ne peut pas rentrer. Quand on est en Christ, on ne peut plus rentrer. Parce que la semence est faite pour grandir. Ça peut être étouffé, comme la semence est à terre, par des paramètres de la vie. On peut mettre de l'ombre là-bas, ça s'étouffe pour chercher la lumière. Ce sont les différentes démarches que tu fais pour chercher la lumière. C'est la lumière arrêtée que tu cherches, tu n'as pas cherché les obstacles. Et toutes ces voies de péripéties là pour grandir dans la lumière, ce sont tes propres formations intrinsèques que Dieu te donne. Mais tu ne sais pas. Ainsi donc, Dieu va permettre que certaines personnes passent par la franc-maçonnerie. Un jour, il passe par Ekanka. Il entre dans cette pernicieuse. Après, il part dans l'église catholique. Dieu lui donne l'information sans lui donner des avis. Le jour, il lui donne la lumière maintenant. Il peut s'asseoir, comprendre ce que les catholiques ressentent. Comprendre ce que les francs-maçons font, là où ils font erreur. Donc, de tel enseigne que s'il le met devant un franc-maçon, il lui dit là où il y a l'erreur. Il lui dit là où il y a l'erreur du côté des catholiques. C'est pour ça que Dieu fait. À d'autres, il ne le fait pas passer dans un autre endroit, comme moi. Pour que tu te tiens ici, tu dis ce qui est de l'autre côté, tu dis ce qui est de lui sans état d'âme. Donc, je vais parler contre les catholiques sans dire que non, si je parle, j'ai mon ami catholique. Je n'ai pas d'amis. Je n'ai d'amis que ceux qui veulent marcher d'après la parole. Point final. Donc, que tu sois pentecôtiste, je m'en fous. Catholique, n'importe quoi, je m'en fous. Il faut dire la vérité. Vous me saisissez, n'est-ce pas? Donc, et par conséquent, si quelqu'un est né de nouveau, ce qu'il doit faire, c'est Seigneur, que veux-tu que je fasse? Pas vous adorez où? Qui te dit Dieu veut que tu adores là-bas? Qui te dit? Il faut chercher Dieu pour que Dieu t'oriente. Et là, malheureusement, c'est la faute de plusieurs. Et ça, une fois de plus, ce sont les pasteurs qui ont fait ça. Parce qu'on leur a enseigné à l'école de théologie que quand tu prêches, dis à quelqu'un que ferme tes yeux à la fin de la prédication. Ferme tes yeux, mets la main sur ton cœur. Dis, Seigneur, il t'accepte comme mon Seigneur, mon Sauveur. Tu veux pleurer, pleure, ma soeur. Il te donne ma vie aujourd'hui. Écris mon nom dans le livre de vie aujourd'hui. Quand il finit d'écrire, il dit, ok, écris l'emploi ici. On lui donne l'invitation. Quand on t'invite dimanche à le culte, écris ton nom là où tu habites, ainsi de suite, pour qu'on te suive. C'est la sorcellerie. Vous lisez la Bible, vous voyez l'ennemi éthiopien, il quittait Jérusalem pour rentrer en Éthiopie. Quand Philippe l'a baptisé, l'esprit l'a enlevé pour dire ta mission est terminée. Il n'a pas demandé que ton adresse c'est quoi pour que s'il vienne en Éthiopie, il voit si tu demeures bien dans la foi. Je vous pose la question. Il lisait la Bible là-bas, il ne comprenait même pas. Dieu envoie Philippe là-bas, il est converti. Quand il est converti, il enlève Philippe. Qui va lui enseigner le reste des Écritures? Fais attention. C'est parce que les institutions humaines, on a pris la place du Saint-Esprit au point où on a plus confiance au Saint-Esprit. Si un homme cherche Dieu, il va se révéler. Proverbe chapitre 8. Proverbe, c'est juste après les psaumes. Proverbe chapitre 8. Vous y êtes? Proverbe. Si vous ouvrez les psaumes, puis vous êtes dans Proverbe. Proverbe chapitre 8, le verset 17. Et 18 dit ceci. J'aime. Les femmes n'ont pas encore trouvé. Souvenez-vous, soyez promptes à obéir à la parole du Seigneur. Soyez promptes à obéir à la parole du Seigneur. Quand vous lisez quelque chose dans la Bible, vous savez que vous ne faites pas. Si on dit par exemple, ne mentez point les uns les autres, et que vous sachiez que vous mentiez, ça veut dire qu'à cet instant, vous allez arrêter le mensonge. D'accord? Proverbe. Ça, c'est la version top qu'elle a là, Jérusalem. Ça, c'est la version Jérusalem, ça, n'est-ce pas? Après Somme. Non, il y a Proverbe. Proverbe. Eh bien, dans ce cas, lis chez ta voisine, pardon. Le temps que vous allez vous envoyer pour être à la maison. Voilà. Maintenant, on lit ici en attendant. Chapitre 8 du Proverbe, au verset 17 et 18, dit ceci. Écoutez. J'aime ceux qui m'aiment. J'aime ceux qui m'aiment. Pas j'aime tout le monde. D'accord? J'aime ceux qui m'aiment. Et ceux qui me cherchent ne me trouveront pas. Mais. Et là, je pense que Dieu dit ici que si on le cherche, on va le trouver. Voilà la promesse qui est donnée. Il dit, avec moi sont la richesse et la gloire. On dit, non, c'est avec les relations de la présidence. Il dit, les biens durables et la justice. C'est avec lui que ça se trouve. Quand Dieu dit dans ce passage de verset 18, si, avec moi sont la gloire et la richesse. Ça suppose que hors de lui, même si vous avez n'importe quoi, ce n'est pas la gloire, ça va être de l'illusion. Vous comprenez? Quand il dit avec moi, c'est avec moi. Donc, si vous avez la richesse, ça ne vient pas de Dieu, c'est pourri. Il dit avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Donc, hors de Dieu sont des biens quoi, passagers et non seulement c'est, mais l'iniquité. Non durable, ça veut dire c'est l'iniquité. Alors, ça veut dire forcément, vous voulez n'importe quoi. Première chose, c'est Dieu, premièrement, qu'il faut chercher. C'est lui. D'accord? De ne plus aller vers les hommes. Parce que si tu vas dans les églises, tu seras déçu. C'est pour ça que hier, j'avais dit, la chose la plus dangereuse pour quelqu'un qui croit, c'est d'aller dans les églises. Quand vous croyez, cherchez Dieu. Maintenant, allons-y, Amos chapitre 5, allons-y, Amos. Allons-y voir le livre. Il m'excuse de vous donner le livre difficile. C'est là où ça se trouve. Si le Saint-Esprit nous dit au revoir, on y va. Amos, le chapitre 5. Prophète Amos. Et c'est qu'il y a des gens ici que c'est la première fois qu'ils entendent ce nom-là. Vous connaissez Jonas ou bien Joël, vous ouvrez Osée. C'est compliqué, vous ouvrez Joël. Après Joël, vous allez trouver prophète Amos. Amos. Amos. Ça ne va pas utiliser ici, maman. Ça, c'est du naturel, le Nouveau Testament. Tu ne pourras pas trouver Amos là-bas. On y va. Ma soeur, tu es dans quel passage déjà? Tu es dans quel livre? Elle a répondu à la question. Elle est dans quel livre? Elle dit quelle chaîne? Là, il voulait dire que tu me répètes. Tu lis le livre dans lequel tu te trouves. Il te dit s'il faut avancer ou il faut rentrer. Hein? Donc tu vois que si tu continues comme ça, le livre doit finir. Tu n'as pas trouvé. C'est dans le livre des prophètes. Donc tu ouvres le psaume. Quand on était dans le psaume, vous avancez devant. Psaume, vous allez trouver. Proverbe. Non, c'est encore devant. C'est vers là où il y a ton doigt du milieu là. Tu es dans quel livre maintenant? Somme, avancé, c'est devant. Après, somme, proverbe, ecclésiaste, vous allez trouver Esaïe, Jérémie, ainsi de suite. Est-ce que c'est Joël qui est facile à l'homme maintenant? Esaïe, continue, tu vas voir Ézéchiel, Lamentation, Jérémie, oui, Osée, Joël, et puis, ça se trouve Amos. Il y a quoi maintenant? Après, Daniel, continue. Voilà. Après ce Joël, donc se trouve Amos. Ouf, enfin c'est la délivrance, n'est-ce pas ma soeur? Courage. Est-ce que vous savez pourquoi je mets pause pour que vous voyez ça dans vos Bibles? C'est pour que vous commencez à être habitué à la lecture. Parce que le plus grave des situations, c'est que vous déposez la Bible comme ça, vous attendez que le pasteur vous dise quelque chose. Et quand il vous dit, comme on peut dire de la bouche, je peux dire que aide-toi et le ciel t'aidera. Mais tu vois aide dedans, tu vois ciel dedans, il n'y a rien de l'enfer dedans, mais c'est un verset de l'enfer. Vous voyez cela? Parce que aide-toi et le ciel t'aidera contre tout le passage biblique. Donc on peut vous dire quelque chose qui semble être bien arrangé, mais c'est contre Dieu. C'est ça, n'est-ce pas? Donc, Amos chapitre 5. Regardez donc l'erreur, voici donc ce que le prophète avait déjà prophétisé. Regardez, chapitre 5 de Amos. Verset 4 dit... Car ainsi parle, je suis verset 4, donc c'est le verset 4 ou verset 7, ou bien verset 6 même. Regardez. Car ainsi parle l'Éternel à la maison d'Israël. Cherchez l'Église et vous vivrez. Cherchez-moi et vous vivrez. Donc, c'est ce qu'il dit. C'est lui qu'on doit chercher. Puis il dit, ne cherchez pas Bethel. Bethel, c'est un lieu. Vous voyez? Parce que Bethel veut dire la maison de Dieu, c'est le lieu où il se manifestait. Il dit, ne cherchez pas ce lieu. N'allez pas à Gilgal, c'est un autre lieu où il se manifestait. Ne passez pas par Beersheba, c'est un autre lieu où il se manifestait. Car Gilgal sera captif et Bethel anéanti. Cherchez l'Éternel et vous vivrez. C'est ce que l'être humain doit faire. Donc, lorsqu'on cherche Dieu, on cherche plutôt le lieu où Dieu est. De la même façon comme les gens, on cherchait le bénédicteur, on cherchait la bénédiction. Seigneur, donne-moi, donne-moi, donne-moi, je veux le mari, je veux le mari. Lui, il est dit, en haut, qu'il est étonné. D'accord, ça va, frère? Voilà. Autre question? Oui. Quand vous posez la question, parlez à haute voix. Là, tu peux m'appeler même ta femme de chez elle-même. Quand tu vois, la maison est fermée, tu peux me l'appeler à haute voix. Il est avec cette voix-là. Oui, bon, en fait, je disais ce niveau du Saint-Esprit. Oui, du Saint-Esprit. Bon, dans mon livre. Si vous venez vous poser toutes vos questions, toutes vos questions. Il ne veut pas aller au Cameroun, commencer à m'écrire qu'il y a encore telle question. Pour épuiser vos questions ici. Oui. Bon, en fait, là où j'ai prié auparavant, c'était question que, bon, au niveau du Saint-Esprit, oui. Nous avons fait comprendre que le Saint-Esprit, il nous a dit non. Quand tu te convertis, il y a d'abord un esprit qui vient en toi, n'est-ce pas, non? Oui. Et après, quelque temps en avançant, c'est-à-dire en grandissant, oui, le Saint-Esprit vient. Tu as encore un autre Saint-Esprit, tu vois. Bon, c'est-à-dire tu as encore des gens. Oui. L'esprit est là maintenant sans il appelle ça, c'est-à-dire tu débordes. Tu débordes, tu es rempli. Mais qui t'a enseigné toutes ces choses-là? On prenait ça dans quel livre? Il y avait notre Bible. Bon, en fait, il avait des trucs qui parlaient du Saint-Esprit. Bon, il nous montrait des trucs, lui, il montrait le Saint-Esprit. Que telle personne remplie du Saint-Esprit. Oui, oui. Pour être rempli. Bon, il nous parlait plus parce que c'était de la Pentecôte. Oui. Il nous parlait plus de la venue du Saint-Esprit. La venue du Saint-Esprit. C'était la période de Pentecôte. Oui, voilà. Vous avez apporté de quoi à l'église? On a apporté la nourriture et tout là. Non, il y avait les offrandes. Les offrandes, c'était à la Pentecôte, non? Voilà. La Pentecôte. Bon, ils nous prenaient le verset sur la Pentecôte. Ok, donc Actes apôtres chapitre 2. Oui. Mm-hmm. Quand le Saint-Esprit descendu sur eux, il devait parler en langue. Mm-hmm. Ils nous interdisaient même de baptême sans avoir d'abord reçu le Saint-Esprit. Oui. Voilà, reçu le Saint-Esprit. Donc vous devez avoir reçu le Saint-Esprit avant de faire le baptême. Le baptême et peut-être faire encore les tu, des cours. Les musiques et tout. Là, attends, fais des musiques. En fait, tu ne dois pas faire la bactérie, oui. Intégrer les groupes sans être baptisé. Mm-hmm. Tu dois avoir le Saint-Esprit, ensuite être baptisé. Mm-hmm. Maintenant, après, tu peux maintenant pratiquer les activités. Ok, mais donc dans ce cas, tous ceux que tu as vus là-bas, qui frappaient sur la bactérie, quand tu les voyais, ils étaient baptisés du Saint-Esprit, non? Oui. Bon. En fait, ça s'est compliqué parce que tout le monde était baptisé ensemble. Comment tu savais, quand tu les voyais, comment tu savais? Bon, moi je ne sais pas, moi j'ai la chose qu'ils m'ont dit, voilà le parler en langue, c'est ce qu'ils m'ont dit, ou bien certains noms. Tu as entendu comment ils parlaient même? C'est ça le même truc qu'on entend de l'église. Vas-y, vas-y, parle, on entend. Oui mon frère. Pour revenir à la question du que veux-tu que je fasse, comment faire pour savoir ce dont à quoi le Seigneur t'appelle à faire lorsque tu es rentré dans le royaume? Mm-hmm. Quel est le ministère ou le service? Comment avoir la révélation de ce que normalement le Seigneur t'appelle à faire? Bonne question. Excellente question à observer. Maintenant, on répond d'abord ici. Le Saint-Esprit n'est pas l'eau. Le Saint-Esprit n'est pas un liquide, ni une vapeur. Le Saint-Esprit, c'est une personne. D'accord? Lorsqu'on prêche l'évangile, la personne qui prêche, s'il est du côté de Dieu, celui qui parle à l'intérieur, c'est le Saint-Esprit. Tu comprends ce que je viens de dire? Quand ceux qui écoutent, ceux pour qui ces paroles sont destinées, c'est ce même Saint-Esprit qui prend cette parole pour diriger dans leur cœur. On dit donc que la parole est esprit. C'est ici, n'est-ce pas? Donc, celui qui ouvre le cœur de l'entendement de ceux qui entendent pour qu'ils soient attentifs à ce qui est dit par le Saint-Esprit de ses côtés. Et lorsqu'il dirige, celui qui fait que cette parole qui a été plantée fasse son chemin dans leur cœur. On parle donc que la semence a été plantée. C'est lui qui les nourrit et les fait grandir par les autres prédications qu'il va donner de part et d'autre, par les exhortations d'une personne, un mot d'une autre personne, celui qui le fait. Alors, il y a l'œuvre extérieure et intérieure que le Saint-Esprit fait, sans que la personne qui le fait en soit consciente. Vous comprenez ce que je viens de dire? L'évangéliste Philippe n'a jamais pensé dans son ministère descendre à Gaza pour aller prêcher à l'ennemi éthiopien. Qui a décidé? Pendant qu'il décidait comme ça, il n'a pas demandé avis à l'ennemi éthiopien. Est-ce qu'il a demandé? Quand il a commencé à prêcher, en partant de la partie que celui-là lisait, il lui a annoncé la bonne nouvelle de Jésus. C'est lui qui a fait le choix de la prédication. Est-ce que c'est lui qui a dit à l'ennemi éthiopien d'accepter ce qu'il disait? Vous voyez ça, n'est-ce pas? C'est Dieu qui est à l'œuvre. Alors, c'est ces choses qu'il ne faut pas confondre. Il y a l'œuvre extérieure du Seigneur, que le Seigneur fait. C'est-à-dire qu'il finit de travailler à l'extérieur. Le travail extérieur, l'attirant, celui qui attire. Quand il attire à lui, il bombarde ce qu'il veut bombarder, il nettoie le cœur. Puis, par la suite, il va venir se tabernacler. Quand vient se tabernacler, on dit donc que tu es baptisé du Saint-Esprit. Mais avant, la parole esprit t'a nettoyé, il te nettoie par la parole. Ézéchiel chapitre 36, lisons cela. Quand vous êtes à Amos, rentrez doucement seulement, pardon, allez plus loin. Rentrez doucement. Rentrez doucement, doucement vraiment. Ézéchiel chapitre 36. Franchement, vous avez des excellentes questions. Que Dieu vous bénisse. Ok, maintenant, regardez Ézéchiel chapitre 36, lisons à partir du verset 24. Ézéchiel chapitre 36. Si tu es dans l'Ecclésiaste là, donc tu as dépassé loin. Non. Monte, vas-y, vite. Après Jérémie, après Lamentation, tu vas voir Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 36, verset 24. Écoutez ce que Dieu dit. Ézéchiel chapitre 36, tu y es, ma soeur? Voilà. Verset 24 et suivant dit ceci. Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans vos pays, dans votre pays. Ça, c'est Israël qui s'adresse. Et que tout ce qu'il va dire, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos iniquités et de toutes vos idoles. Vous voyez la sanctification qu'il va faire, n'est-ce pas? Qui le fait? Qui a fait la promesse de le faire? Donc ici, ce n'est pas conditionné. Il dit qu'il va le faire. Presque sept fois ici, il dit « Je vous donnerai un cœur nouveau. » Ce n'est pas conditionné, c'est ça la promesse. C'est ça que l'apôtre Pierre va dire « Car la promesse est pour vous, pour vos enfants. Car la promesse est pour vous. » Vous voyez? « Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous. » Soulignez « en vous. » Un esprit nouveau. Vous avez remarqué qu'initialement, il est question du nettoyage, non? Puis ici, subitement, il parle à l'intérieur. Il dit, il enlève le cœur. Il va donner un cœur nouveau. Regardez. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Ça, c'est à l'intérieur qu'il est en train de faire maintenant. Le cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en. Vous voyez la promesse du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Je mettrai mon esprit en vous. Et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquez mes lois. Vous comprenez effectivement que si vous, pour un homme de vouloir servir Dieu, c'est une bêtise, n'est-ce pas? Il faut que c'est lui qui fasse l'œuvre. C'est lui qui doit faire. C'est lui qui doit faire que tu viennes. C'est lui qui doit faire à ce que tu marches avec lui. Parce que tu n'auras pas de force pour servir Dieu. Dieu est esprit et toi tu es charnel. Pour qui donc? Il faut qu'il fasse toute cette œuvre-ci. Si cette œuvre-ci n'est pas faite en toi, tu montes, tu descends, tu vas commencer avec la course de l'homme, tu vas tomber. C'est pour ça que le nettoyage doit être fait par lui. D'accord? Alors, quand le Saint-Esprit fait l'œuvre dans quelqu'un, la justification est faite par lui, la sanctification est faite par lui, le scellement est fait par lui, l'enlèvement est fait par lui. Le Saint-Esprit, c'est son œuvre là-bas. Amen. D'accord, frère? Amen. Maintenant, ça veut dire qu'en clair, le prédicateur n'y est pour rien. Dans Romains chapitre 10, verset 14, il dit: comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiras-tu s'il n'y a personne qui n'ont pas entendu parler? Il faut qu'ils entendent parler. Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il quelqu'un qui prêche s'ils ne sont pas envoyés? Ils doivent être envoyés pour qu'ils prêchent quelque chose qui concerne une personne, pour que les gens qui entendent croient à cette personne-là. C'est le Saint-Esprit. Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. N'est-ce pas? De ceux qui annoncent la paix. Maintenant, ça veut dire ceci. Si. Beaucoup de personnes, et c'est normal, beaucoup de personnes confondent des choses, remplissant le Saint-Esprit, baptême du Saint-Esprit, ainsi de suite. Je crois que c'est ici que nous allons traiter ces cas-là. Nous traiter ces cas-là, c'est, vous allez voir ça dans les enseignements. D'accord, mon cher? Maintenant, je prends la question de ce frère, ce qui est assez intéressant. Maintenant, comment savoir quand on est chrétien, c'est à quoi on est appelé à faire? Comment savoir? On va travailler là-dessus maintenant. Notez Jean. Le livre du pasteur Jean. Une fois de plus, ce que vous allez entendre, ça risque de vous choquer encore une fois de plus. Mais c'est quand même la vérité. Bon. Jean chapitre 15, il arrive avec le verset. Avec cette question, regardez ce que celui-ci a dit. Il a dit, son pasteur a dit que pour occuper la place, pour taper la batterie, il faut qu'il soit baptisé du Saint-Esprit pour ensuite baptiser d'eau. Il y a la place de batterie dans la Bible ici. Jean chapitre 15. Cette question-ci s'embûche et ça se ramifie dans beaucoup d'autres sujets. Beaucoup d'autres sujets. Notez Romains au chapitre. Je crois que c'est cela le problème avec le livre de. C'est fort. Parce que là, on souligne, on demande de souligner, on ne peut pas souligner. La Bible des peuples. C'est quel peuple encore? C'est quel genre de Bible encore? C'est la Bible des peuples du Saint-Esprit. Comment elle dit? Bientôt. Mais après le psaume, on trouve Matthieu. Là-bas, dans sa Bible des peuples, après le psaume, c'est Matthieu. Donc, ça veut dire qu'elle a le roi de Marc. Donc, ça veut dire la conclusion ici, c'est que tu mets la main au niveau de la table de matière. Chaque fois qu'on donne un livre, tu repères rapidement la page, tu y vas. Parce que si tu continues à faire comme ça, tu vas voir les mots de terre en sortant d'ici. Bible des peuples. C'est le peuple juif, le peuple sémite. Bon, on y va. Notez Romains au chapitre 12. Notez. Notez aussi 1 Pierre chapitre 4. Romains chapitre 12. Quand il vous donne le chapitre, il vient de vous donner le verset. Notez 1 Pierre chapitre 4. 2 Pierre chapitre 3. Voilà, c'est bon, on va d'abord s'arrêter là-bas, il va d'abord parler. Dans l'un des enseignements d'hier, nous avons vu que Dieu a un plan, n'est-ce pas? Amen. Voilà. Vous voyez qu'on commence, c'est par là qu'on commence. Il a un plan. Et hier, nous avons lu particulièrement un verset dans Éphésiens chapitre 2, le verset 10, que nous sommes son ouvrage. Notez 1 Corinthiens chapitre 2, notez 1 Corinthiens chapitre 2, verset 12 à 16. Voilà. C'est les passages qui vont nous aider à faire toutes ces choses-là. Voilà. Maintenant. Donc, hier, nous avons lu le passage d'Éphésiens chapitre 2. Et au verset 10, le verset 10 nous a dit, « Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour... » Donc, ça annonce le but. « Pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Donc, on est né pour faire quelque chose dans le corps, n'est-ce pas? Voilà. Notez 1 Corinthiens chapitre 12 aussi. 1 Corinthiens chapitre 12. Tout à l'heure, lorsque quelqu'un a posé la question aussi par rapport à, je crois que c'est le frère Iba qui a posé la question concernant le fait que si un pasteur prêche autre chose qui n'est pas dans la même position que moi. Vous voyez, j'ai dit, il y a un problème par rapport au positionnement de la Bible. Voici encore une autre chose qui va dans le même sens. Dans le même sens. C'est-à-dire que ceux qui étaient dans la Bible pouvaient connaître distinctement le rôle et la place qu'ils avaient à faire. Comment fait-il qu'aujourd'hui, nous avons du mal à se repérer dans le corps? C'est vrai qu'on a été mal enseigné. Les fondations ne sont pas bonnes, ou bien tout simplement, on est en train d'aller dans l'autre sens. Vous comprenez? C'est ça. Il faut que tout ceci soit arrangé. Lorsqu'on a déjà assimilé que le projet, il s'agit du projet de Dieu, on a déjà gagné une bonne chose. Ça, c'est le projet de Dieu. Et c'est lui qui fait quelque chose. Il nous a préparé, si vous êtes appelé, pour faire quelque chose. Donc, c'est lui qui doit nous dire exactement ce que nous devons faire. Parce que dans sa question, il a dit, comment on voit la révélation de ce que nous devons faire. Maintenant, lisons dans Jean chapitre, Jean chapitre 15 là. Regardons le verset 16. Regardez. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. La sœur là, elle y est. Je veux que vous ayez ça devant vous. Jean chapitre 15, le verset 16. Elle a la grosse Bible des pasteurs. Beaucoup de courage. Pour que vous quittiez votre travail, quittiez votre domicile, vous sortez de loin pour venir vous rassembler pour écouter seulement les paroles. C'est une bénédiction. Vous savez, dans le livre de Jean au chapitre 10, si vous lisez les quatre derniers passages de Luc chapitre 10, Jésus était à Béthanie, dans la maison de son ami Lazare. Il est allé là-bas parce qu'ils habitaient dans ces contrées-là, quelques kilomètres de Jérusalem. Il est allé loger dans cette maison-là, alors qu'il était assis, il y avait deux sœurs là-bas, on l'appelle Marthe et Marie. Pendant que Marthe s'affairait à faire de la cuisine pour qu'il mange à la suite, Marie était assise là à travailler. Marthe était à la cuisine, c'est fâché que mince. Je mets l'eau au feu, je mets l'huile au feu, j'ai fait plus la banane seule, ainsi de suite. Je n'ai pas dit que notre maman fait le feu. Parce que vous tous vous regardez là-bas, vous riez. Vous voyez ce que le Seigneur Jésus-Christ va dire. Et je crois que ça va nous donner un autre enseignement de ces jours. Vous allez voir, on va y revenir. Marthe, elle a fait tout à la cuisine, elle s'est fâchée, elle est venue rester dans la porte que mince. Seigneur, ça ne t'a fait rien que je suis à la cuisine, je travaille seul parce qu'il prépare le nourriture pour que tu manges et que Marie soit là. Il s'est tourné vers elle, elle a dit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. C'est ça? Pour peu de choses. Donc la cuisine, c'est? Peu de choses. Ce que vous allez manger là, c'est? Marie a choisi la bonne part. Elle ne lui sera jamais ôtée. Vous entendez ce que le Seigneur veut dire? Vous entendez ça? Dans le livre de Marc, pendant qu'il prêchait un de ses jours, on est venu dire que ta mère est dehors, ton frère sont dehors. Il dit que tu parles quoi à basse voix? Qui est ma mère? Qui est mon frère? La Bible dit, et montrant la main sur ses disciples, il dit que ma mère, celui quiconque écoute la parole, elle les garde. Celui-là est mon frère, est ma soeur, est ma mère. Vous comprenez? Ici, c'est une famille, parole. La parole prône. Nourriture, parole. La parole prône. Seigneur, laisse-moi d'abord aller dire au revoir à mon père. Laisse, pardon, quiconque met la main sur la charrue et regarde derrière, ne pas faire pour le royaume. Toi, va annoncer le royaume. Le papa, la parole. La parole prône. Il faut que vous mesurez bien le prix. Amen. Jean chapitre 15, verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez des fruits et que votre fruit demeure, dit Jésus. Vous y êtes? C'est ce qui est créé? Bon, maintenant, nous allons voir à qui il s'adresse. Puis on va rentrer dans à l'origine. Et on va voir donc ce qui se passe avec eux. D'accord? Si vous lisez Luc au chapitre 6, dans le livre de Luc au chapitre 6, où ces choses-ci, depuis le chapitre 5 de Luc, chapitre 5 et chapitre 6 de Luc, vous allez voir, et je lui dis hier, que c'est Dieu qui vient vers l'homme. Une fois de plus, c'est confirmé là-bas. Pierre était tranquille, en train de faire sa pêche. Nous sommes d'accord? Il était quoi? Tranquille. Allons-y là-bas voir sa tranquillité. Luc, chapitre 5. Luc, chapitre 5. On va parcourir quelques versets là-bas. Regardez ici. Vous êtes dans Jean, vous rentrez directement dans le livre qui est derrière. Je vais lire à partir du verset 1. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézaret et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Remarquez, on dit la foule se pressait pour entendre la parole de Dieu. Vous devez comprendre l'importance de ceci. Si les gens pouvaient comprendre ces choses-ci, que le miracle ne sauve pas, c'est la parole. Amen. Amen. Ils viendraient pour la parole. Et si on disait guérison, miracle, les gens viendraient là-bas, que venez là-bas vous, avec votre huile haute là-bas, tout le quartier s'y sortirait. la parole. Parce que la parole vient juger les sentiments, le cœur. Non, il va venir nous dire ici qu'on vit dans le péché. Qui passe sa roue. Verset 2. Il vit au bord du lac de Bac, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ses barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu des terres. Puis il s'assit de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il cessait de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau. Remarquez très attentivement, Jésus était là, Simon là, la barque lui appartenait. Il se dégage de laver le filet pour préparer pour les pêches suivantes. Et puis il dit, voilà, pousse maintenant dans l'eau. Philippe, pendant qu'il fait ces choses-là, il est en train de bavarder sa prédication là-bas. Pierre est en train de laver son filet. Il est là, il ne dérange pas lui qu'elle, quelqu'un. Après, il se tourne vers lui. Il dit, avance en pleine eau. Regarde. Et puis, Simon lui dit, il dit, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Je voudrais souhaiter parler du sujet avance en pleine eau pour que vous compreniez l'importance et l'ampleur. Avance en pleine eau. Simon lui répondit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais, sur ta parole, jetterai le filet. Vous avez entendu ça, frère? L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Il fit signe à leurs compagnons qui étaient avec, qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Il vint et il remplit les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Si une barque est sur l'eau suspendue et que quelque chose pèse au point où ça veut enlever, il faut que vous compreniez la quantité qui se trouve. Quand il vit cela, tu as posé la question, comment avoir la révélation qu'on est appelé? Pas vrai? Quand il vit cela, Simon Pierre tomba à genoux devant Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi. C'est la malchance que tu m'amènes comme ça. Depuis que je travaille, je n'ai jamais péché comme ça. Tu cherches quoi même dans ma vie? Parce que je suis un homme pécheur. C'était un pécheur de poissons. Mais il dit ici qu'il est un pécheur. Il est pécheur de poissons. Mais ici, il dit qu'il est pécheur. Je peux vous comprendre. Le premier pécheur, c'est qu'on a dit, il attend le poisson. L'autre pécheur, c'est ce qui vit dans ce qui est mal. Voilà. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils des Zébédée, les associés de Simon. Donc, ils avaient formé l'entreprise de poissons. Alors, Jésus dit à Simon, ne crains point. Désormais, tu seras pécheur d'homme. Ça, c'est son appel physique. Il a une rencontre personnelle avec le Seigneur. Il y a un appel physique. À partir de cet instant-ci, sa mission va commencer. Tu as vu ça, frère? Voici l'appel. Mais ici, c'est l'appel physique. C'est ça le vrai problème. Mettez le doigt ici. Alors, rentrons dans Jean. Il faut que j'ai construit vraiment ces choses pour que vous saisissiez. Mettons le doigt ici. On n'a pas fini avec Luc chapitre 5. Alors, dans Jean, mais cette fois-ci au chapitre 17. Hier également, nous y avons fait mention. Jean chapitre 17. Si vous voulez, je ne dois pas vous garder dans cette dernière partie très tard, afin que vous alliez pour ceux qui sont loin. Jean chapitre 17, vous y êtes. Amen. Regardez. Verset 6. Regardez. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Tu as vu cela, frère? Verset 8 dit, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. 9. C'est pour eux que je prie. Il répète, je ne prie pas pour le monde. Vous voyez de Jésus, hein? Mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. Les bases sont posées. Pour que tu serves Dieu, il faut que tu aies été connu de lui. Parce qu'on a convenu qu'il a un projet. Et s'il a un projet, il y a les gens qui doivent travailler dans ce projet. Voilà. Et quand le moment de ce projet arrive, il appelle les gens qui étaient destinés à travailler à cette époque. Il a parlé des ouvriers de la première heure. Il parlait jusqu'à la onzième heure. Chaque personne avait son heure. comprenez cela, n'est-ce pas? Voilà, vous y êtes, c'est ça qui parle. Donc chaque personne, tu ne pouvais pas être autant de Moïse. Moïse, même si Moïse voudrait, il ne pouvait pas être autant de Jésus. Chaque personne est en eux parce que c'est une construction, une suite logique d'événements que lui a préparé. Ce n'est pas une erreur. Subitement, quand le moment de la délivrance des enfants va avancer, un enfant né là-bas, on appelle Moïse. Il grandit. Là où Satan cherche à le tuer, c'est lui, il fait que c'est Satan qui le fait grandir. C'est dans le palais des Pharaons que le libérateur a grandi. Satan protège Moïse pour qu'il vienne bien le traiter. Alors, Jean chapitre 17 dit, Jésus nous révèle ici que ces personnes-ci que nous venons voir dans Luc, c'est, ils étaient à Dieu. Mais le problème maintenant, c'est que si vous regardez dans la vie de Pierre, il vit sa vie tranquille, mais il ne connaît pas la décision qui est faite de lui. C'est Jésus qui nous dit ici qu'ils étaient à lui. Ils n'étaient pas à lui quand Jésus l'a choisi devant devant la barque là. Il ne s'est pas à ce moment-là. Ils étaient déjà à Dieu depuis. Vous saisissez, n'est-ce pas? Maintenant, quand Dieu vient, quand Jésus vient, il vient l'informer de sa mission. Il vient l'informer de sa mission. Il dit, je te ferai pécheur d'homme. Maintenant, lorsqu'on est appelé de Dieu, lorsque le moment d'appel vient, rien ne te résiste plus. C'est ce que le premier verset qu'on entend. Enfin, rentrons au chapitre 6, regardez. Il dit bien encore, lorsqu'on est appelé de Dieu, connu de lui, lorsque le moment de l'appel arrive, même toi, tu ne peux plus résister. C'est ce que la Bible enseigne partout. Il dit bien, tu ne peux plus résister. Regardons encore le cas de Moïse. Pendant que vous allez ouvrir Luc chapitre 6, il dit, même dans l'Ancien Testament, regardez, Dieu a appelé Abraham alors qu'il avait quel âge? 75 ans. Quand il avait 70 ans, lui avait-il parlé? 20 ans, il lui avait-il parlé? Quand il montait partout là-bas en faisant le commerce, il avait-il parlé? 75 ans, il dit, Abraham, quitte la maison de ton père et va dans un pays où je vais te dire. Point final, voilà l'appel. Si les appels vous dérangent, regardez le modèle premier qu'il a adressé pour Abraham. Dieu doit prendre l'initiative de t'appeler. Il t'appelle au temps voulu par lui, selon son plan à lui. Vous comprenez tout cela, vous allez comprendre qu'aller faire une formation biblique, c'est une folie, vrai. C'est une folie. Que je me forme comme ça pour me préparer pour que Dieu puisse aller me chercher. Il t'a dit qu'il a besoin de ta formation. Est-ce qu'il a besoin de cela? Maintenant, quand il appelle Abraham, il lui adresse cette parole. Sa mission est bien tracée. Il n'a pas dit, Abraham, évangélise ton père, dis qu'il quitte les idoles. Jamais. Il dit, quitte là-bas. Il ne voit pas son père. Son père n'est pas le fils d'Abraham, non, le père d'Abraham. Adore-t-il Dieu? Est-ce que son père adore Dieu? Pourquoi ne dit-il pas à Abraham que j'ai une mission sur toi? Ton père m'énerve. Comme si ton père, ouais, dis-le qu'il quitte de là. Tu dis, quitte la maison de ton père, laisse-le là. Qu'est-ce que le pasteur dit aujourd'hui? Quand Dieu te sauve, sauve d'abord ta famille. Vous avez entendu Pierre rentrer chez lui prêcher? Vous avez entendu l'apôtre Paul rentrer chez lui prêcher? Vous devez faire attention de reconsidérer l'évangile que vous recevez. Que non, sauve d'abord ta famille. Qui peut sauver lui-même? Si tu ne peux pas te sauver toi-même, tu vas sauver ta famille. Tu n'en crois et que tu seras sauvé, toi et ta famille, toute ta famille. L'apôtre Paul, ses propres parents le persécutent. Vous allez lire la Bible autrement. Alors, regardons ici. Verset 27 du chapitre 5. Non, finissons ici. Regardez. Verset 11 du chapitre 6 dit, après que Jésus-Christ a dit, tu seras, je te ferai des pécheurs d'hommes. Regardez ce qu'il dit. Et ayant ramené les barques à terre, donc les poissons qui étaient dedans, ils ont poussé jusqu'en bordure de mer, n'est-ce pas? Il prit tout le poisson et alla le conserver au frigo et le suivit. Il laissait tout. Tu as vu ça, frère? Ils ont laissé tout là-bas. Ce sur quoi ils ont passé toute leur nuit, ce sur quoi leur entreprise était basée. Ils ont abandonné ça en bordure des rivières. Avec toute la quantité de poissons qu'ils ont pêché. Ils ont laissé là-bas. Barque, filet, poisson. Ils étaient déjà de Jésus comme ça. Jésus monte et monte. Jusqu'à ce qu'ils arrivent dans Marc au chapitre 10. Allons-y là-bas. Oh mon Dieu. Rentrez. Marc. Ne fermez pas ce livre. C'est Marc chapitre 10. Marc le chapitre 10. Dans ce Marc chapitre 10, le temps, vous rentrez, vous êtes dans Luc, rentrez tout simplement derrière à votre bouche. Rentrez à votre bouche doucement. Et on va y revenir dans Luc chapitre 6 encore. Dans ce Marc chapitre 10, il y a un monsieur qui vient créer le problème aux riches de la terre. Il court tranquillement. Il est riche, on est resté chez lui. Il vient demander à Jésus, maître, que faut-il faire pour avoir la vie éternelle? Jésus lui répond, tu connais les commandements. Il dit lesquels? Il dit, honneur ton père, ta mère, si tu prononces ici. Il dit, j'ai fait toutes ces choses dans ma jeunesse. Il dit, nous sommes dans Marc chapitre 10, ça, ils sont nécessités. Il dit, qu'est-ce qui me manque encore? Jésus l'ayant regardé, a dit, va, vends tout ce que tu possèdes, distribue-le en aumône aux pauvres, puis viens et suis-moi, tu auras la récompense. Il a regardé Jésus comme ça, regardé ses pieds, il dit, mais comprends bien ton problème. Ne pas rendre ma richesse, les maisons, il donne aux gens, aux pauvres. Puis je viens et marche devant toi partout dans le désert. Tu as bien parlé. Pendant qu'il partait, Jésus l'a regardé comme ça partir, il part. Jésus a commencé à dire, il sera difficile à un homme riche d'entrer dans le royaume que par un chameau d'entrer par le trou d'une aiguille. Les apôtres ont dit, quoi, qu'est-ce que j'entends? Il dit, lisons, regardez. Verset 21, du chapitre 10. Jésus l'ayant regardé les mains et lui dit, il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as. Il a dit, tout ce que tu as. Donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. Mais affligé de cette parole, vous savez comment la parole blesse, non? Il aurait tout, voulu tout entendre, sauf ça. Si Jésus avait dit que construis-moi une église dans chaque ville, il devait être content. Parce que chaque fois, on va parler que c'est toi qui a construit. Mais Jésus l'a pris à contre-pied. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait des grands biens. Donc, le Saint-Esprit met en relais ici sa tristesse, c'est la parole qu'il a entendue, avec le bien. Donc, on a parlé mal de son bien. Verset 23, Jésus, regardant tout autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Vous y êtes? Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et reprenant, il leur dit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent encore plus étonnés. Donc Jésus, voulant expliquer davantage, compliquer encore seulement davantage. Il fut encore plus étonné. Et il se dit les uns aux autres, et qui peut être sauvé? Je veux que ce genre de passage comme ça, quand vous lisez l'étonnement des disciples, mettez-vous là, essayez d'entrer dans leur pensée pour savoir qu'est-ce qui les étonne effectivement. Pourquoi ils s'étonnent du riche, que comment le riche? Donc un homme qui est riche comme ça sur la terre, il a les bénédictions comme ça de Dieu, donc il va avoir la bénédiction, ça aller en enfer. Posez-vous bien les bonnes questions qu'ils sont posées. Vous allez arriver à la conclusion pourquoi Jésus a dit cela. Vous allez comprendre que derrière l'argent se trouve, derrière la richesse se trouve maman. Que si vous avez la grâce d'avoir la richesse, vous devez avoir la grâce de gérer. Vous devez avoir la grâce de gérer selon Dieu. Comme il a dit dans Luc chapitre 12, il y a un homme qui avait le grenier. Vous avez vu comment il a dit, ah maintenant je casse mon grenier, mon âme, tu as si Dieu a dit, est insensé. Ton âme aujourd'hui. Il dit, est-ce que tu as amassé pour qui le fera? Telle est la condition de tout homme qui est riche et non pour Dieu. Donc Dieu s'attend à ce que l'homme soit riche pour lui. C'est notre père de manche par rapport à l'enseignement. On avance maintenant. Verset 28 maintenant. C'est là où Pierre s'est mis à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Vous voyez, près de 2 ans, c'est là où se rend compte qu'ils avaient tout quitté. Et c'est ce qu'on nous a dit dans Luc chapitre 5. D'accord? Il venait se rendre compte qu'il venait de... Donc, un vrai, on même dirait le type depuis des années comme ça. Nous avons tout quitté pour t'avoir suivi. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi, et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses soeurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement, dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des soeurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions à l'appui. Donc vous recevez ça avec quoi? Quand tes parents te rejettent à cause de Jésus, tu pleures d'abord en errant jusqu'à ta part vient. Avant que tu comprennes que chez ton frère chrétien, c'est chez ton frère, c'est ta part aussi. Quand tu es là-bas, tu te remets que la question est d'abord entrée. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Donc, l'apôtre Pierre, ici, dans le livre des Jean, de Luc chapitre 5, quitte son emploi. Quitte ce sur quoi sa subsistance était relayée. Là se trouvait l'apôtre Pierre, et quand il rentre à la maison, il a une femme, il a la belle-mère. Et s'il a les enfants, s'il a de payer le bail, il faut qu'il paye le bail. Un Jésus sort de ce 1-4 matin, le rencontre sur son chemin, sa vie change là-bas. Il dit, ton commerce arrête. Ici, il ne lui donne pas le choix d'aller réfléchir. Il dit, suis-moi, je te ferai pécheur d'homme. Il n'a pas dit, je te ferai pécheur d'homme, je nourrirai ta femme, payerai ta maison. Il a dit, je te ferai pécheur d'homme. Le reste de la subsistance, il n'a rien dit à propos. Donc l'appel de Dieu n'est pas conditionné par vous. L'appel de Dieu n'est pas conditionné par vous. Regardez, dans le désert donc, quand le Seigneur s'est présenté dans le feu là-bas, alors que Moïse était en train de faire paître les brebis là-bas, Quand il s'est tourné, il s'est détourné pour voir le visage, sur le quoi, la vision. J'aimerais bien vous expliquer ces choses-ci. Il s'est détourné pour voir la vision. Pour voir la vision. Quand Dieu a ouvert notre dimension, il a vu ces choses-là. Dieu a commencé à lui expliquer le plan pour lequel il a fait venir dans le désert. Il a dit, ok, maintenant tu as fini de faire la formation. Il faut que tu retournes en Égypte confronter les magiciens qui t'avaient enseigné. Moïse a dit, tu les connais bien. Le gars a commencé à bégayer que d'abord même tu attaques que j'ai. Il voulait un peu bégayer pour que Dieu dise que non, c'est pas toi. Il dit, envoie une autre personne. Il dit non, c'est toi qui vas partir. Donc vous ne pouvez pas vous soustraire de l'appel de Dieu. Vous ne pouvez pas. Et personne ne sait jamais soustraire de l'appel de Dieu. Parce qu'il a un but pour lequel il est en train de le chercher. Et ce n'est que toi qui peux et dois faire cela. Quand tu finis de faire cela, ton œuvre est terminée sur la terre. Personne ne fera plus la même œuvre que toi. Personne ne fera plus exactement comme toi. Et personne ne sera jamais comme toi dans aucun siècle. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit dans l'église? Je suis un père. J'ai construit mon bâtiment avec votre argent. Je place mon enfant à la batterie. Ma femme, quand je ne suis pas là, c'est ma femme qui prêche. Aucun homme ne soit là. C'est sa première fille qui supporte, qui prend les offrandes. Mamie, quand tu prends les offrandes, tu entres dans cette chambre-là, tu comptes ça là-bas dedans, d'accord? Parce qu'il ne faut pas que l'autre frère puisse participer. Parce que s'il participe, il peut voler. S'il voit la quantité d'argent qui entre, on va dire que yes, l'argent entre ici, hein, quelqu'un pourra venir soumettre son problème. La guerre intestinale est installée au milieu des gens. Il vous dit avec la bouche qu'il vous aime, mais c'est, il a dit indirectement, j'aime votre porte-monnaie. Le jour où tu ne donnes plus l'offrande, on te sermonne. On dit qu'il y a des gens ici qui ne sont pas sérieux avec le Seigneur. Là, lui, c'est le Seigneur. D'accord, frère? Mm-hmm. Ce qu'il veut dire, c'est que, à contrario par rapport à l'appel de Dieu et la façon de manifester l'appel de Dieu dans le temps, regardez ce que les gens font. Les gens font leur empire. Ce n'est pas pour Dieu. C'est pour ça que ceci va aller en contraste avec ce que vous faites dans les dénominations par rapport à l'appel de Dieu. J'arrive. Alors, quand cet homme-ci construit ce qu'il appelle son église, alors que lui, il bâtit son église, quand il fait ça, il s'est choisi des gens qui vont le servir. Ce sont ses serviteurs en réalité. Quand il meurt, son fils prend le relais. Si ce n'est pas son fils, c'est sa femme qui prend le relais. Il dit que, voici, il faut que je continue l'œuvre de mon mari, ou bien je continue l'œuvre de son père. Tourne-toi avec quelqu'un, pointe quelqu'un dans le nez comme ça, pointe quelqu'un. Il dit qu'on n'hérite pas de l'œuvre de Dieu. Et ce n'est pas une œuvre transmissible. Voilà. Vous avez suivi? Vous m'avez suivi bien, n'est-ce pas? Moïse avec des fils. Personne n'a été prophète d'abord devant Israël. Samuel, même chose. Ésaïe, même chose. Vous avez bien compris? C'est une tâche spécifique que Dieu l'a appelé. Comme Dieu a appelé son père prophète, ça veut dire qu'il vous a appelé que si votre père n'est pas là, occupez-vous de cela. Vous avez bien suivi, non? Quand il s'agissait des sacerdotes, où c'était transmissible par voie d'appel, il a dit que Aaron et toute sa descendance. Il a dit de façon spécifique. Vous avez suivi, frère? Voilà. Il peut avancer maintenant. Luc chapitre 6. Avant d'avancer à Luc chapitre 6, regardons le verset 27 du chapitre 5. Donc vous avez vu comment l'apôtre Pierre a tiré la barque et les autres, là, ils ont laissé. Ce n'est pas seulement sa barque, hein. Il y avait la barque des gens, des Jacques et des Jean. Donc il y a le poisson, dans le poisson au moins dans deux ou trois barques. Ils ont déposé là-bas, ils sont partis. Je veux que vous mesurez la période de l'histoire où nous nous trouvons. Où la barque est comme quelqu'un qui a la Mercedes aujourd'hui. Parce que c'est le moyen le plus rapide pour pouvoir se transporter. Avoir une barque, c'est un problème. Parce que couper un arbre pour pouvoir creuser, c'est un défi. Vous savez, n'est-ce pas? Et quelqu'un a cette barque-là, il sort, il laisse là cette terre-là, il part. Ça veut dire que quelqu'un qui va venir acheter le poisson le matin, vient, il cherche, puis il ne voit pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il se prend. Si quelqu'un veut voyager, il fait quoi? Jésus a détruit son industrie. Verset 27. Après cela, Jésus sortit et il vit un publicain. C'est-à-dire qu'un collecteur d'impôts. Nommé Lévi, assis au lieu des péages. Il lui dit, va présenter la démission. Suis-moi. Compte l'argent, va garder en banque, puis viens, suis-moi. Il a dit ça. Hein? Suis-moi. Il a dit. Suis-moi. Regardons la réaction. Si était suis, je vais manger quoi demain avec mes enfants? Vous avez vu ce que Lévi a dit, non? Nous sommes dans Luc chapitre 6, verset 27. Chapitre 5, verset 27. C'est là où nous sommes. D'accord? Lorsque Jésus a dit à Lévi, suis-moi. Lévi a philosophé, frère. A-t-il dit, j'ai mes enfants, ils vont payer la pension avec quoi? Regardons le verset 28. Et laissant quelques pièces, tout, il se leva et le suivit. Voilà le style d'appel. Quand c'est le moment, tu n'as pas le choix. Le vrai problème maintenant avec ce que nous sommes ennemis maintenant et avec notre photo, c'est que nous entrons dans le plan des hommes, pas des dieux. La preuve, on dit à quelqu'un que si tu veux jouer à la batterie, d'autres, non, le frère, c'est le don de jouer au piano. Il n'y a pas le don pour jouer au piano. Le piano, ça s'apprend à l'école. Les dons spirituels, c'est fait pour le corps mystique de Jésus. C'est. Hey, la soeur est gentille, elle balaie bien l'église. Mais la maison, quand elle balaie la maison, c'est quoi? C'est un don? C'est un travail normal. Essuyer les chaises n'est pas un don. Voilà. Parce qu'à la maison, on fait la même chose. D'accord, frère? On avance. Romains chapitre 12. Je vous ai donné ça, je vous avais écrit. Vous voyez que j'avance vraiment doucement de manière école avec vous, n'est-ce pas? Romains chapitre 12. Lorsqu'on va lire Romains chapitre 12, et si possible, autre verset, je vais m'arrêter et puis je vais vous expliquer maintenant la chronologie de la chose et comment il faut faire, d'accord? Maintenant, Romains chapitre 12, regardez verset 3 et suivant. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun, vous y êtes, à chacun de vous, de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départi à chacun. Vous y êtes? Si Dieu t'a donné ta quantité de foi, c'est pour exhorter. Laisse la personne qui prêche le feu sort, qui prêche le feu sort. Vous avez saisi, n'est-ce pas? Voilà. Écoutez, verset 4. Car, comme nous avons plusieurs membres, il prend maintenant l'exemple sur le corps humain. Comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous tous, nous qui formons plusieurs, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. C'est pour dire en clair que nous avons la différence de forme, mais, de forme et de fonction, mais nous participons tous dans un même but, même corps. La forme de ta main n'est pas la forme du pied. Mais le pied travaille au service du corps. La main travaille au service du corps. La main ne fera pas le travail. En fait, essaie de marcher par la main. Et tu marches longue distance, on voit. Vous pouvez. Non. Voilà. Je peux lever ma main comme ça là. Je peux lever la main, je peux le lever. La Bible lui dit qu'il ne doit pas dépasser la tête. Donc essaie de lever ta main, tu restes comme ça indéfiniment, voir. La tête reste à sa place en haut, rien ne le dérange. C'est ça, n'est-ce pas, frère? Et si on dit mange, prends la nourriture, mets plutôt dans tes yeux, tu vas savoir de quoi le piment parle. Parce qu'il n'a pas été, il n'a pas reçu le don de manger. D'accord? Chaque chose a son rôle. Tourne-toi, dis à quelqu'un que chaque chose a son rôle. La rôle est faite pour manger. La bouche est faite pour manger. Voilà. Pas pour. Ok. Verset 6. Puisque nous avons les dons différents, ça c'est sous réserve qu'on l'ait. Parce que je suis en train de lire ce qui est écrit dans les Écritures. Donc, sous réserve qu'on l'ait, ces dons-là, qu'on les ait. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, donc les dons sont donnés par quoi? Par grâce. Selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don des prophéties prenne la place du pasteur. L'exerce? La maladie de la foi. Bon, maintenant, vous voyez aujourd'hui, quelqu'un est ancien. Un jour, il célèbre la fête à la maison parce qu'on l'a consacré pasteur. Il dit, il parle de notre temps. Il vous montre là où l'embrouille se trouve. Quelqu'un est pasteur assistant, évangéliste préposant. Ces choses-là, vous avez vu ça dans la Bible ici? Que cette sœur-ci, elle est diaconesse, bientôt va passer la femme ancienne. Vous avez vu ça dans la Bible? Alors, je pose la question, ceux qui sont en train de construire, qui leur a demandé? Ils voient ça dans quelle Bible? Vous comprenez, n'est-ce pas? Voici le pasteur assistant, le pasteur du district, le pasteur, le surintendant général. Vous avez vu ça dans la Bible? Vous avez vu ça? Vous avez des frères, ou bien des frères, des sœurs qui sont là-bas, dit qu'ils sortent de l'iniquité. Dieu ne connaît pas cela. Oui. Dieu ne connaît pas. C'est leur poste à eux. Il n'y a pas de pasteur assistant ici. Au pire encore, un pasteur crée son assemblée. Il dit que voici mes anciens. Je les ai nommés anciens. Dont le pasteur nomme les anciens. Ça, c'est le monde à l'envers. Je ne sais pas quel style de Bible ils lisent. La Bible enseigne que la dernière autorité de l'Église, c'est les anciens. Donc, c'est à eux de dire n'importe quoi au milieu de l'Église. Ici, le pasteur dit, tu t'amuses, il ne te nomme plus ancien. Tu m'as fait quelque chose l'autre jour, ça m'a beaucoup énervé. Je voulais même te faire passer pasteur, mon adjoint pasteur. Je ne le fais plus. C'est ce qui se passe au milieu de l'Église. Ouais. Tu viens, tu travailles bien à un poste de responsabilité. Quand tu entres, on sait où tu travailles, on te nomme à un poste de responsabilité. Le pasteur, tu es ami du pasteur. Quand il y a n'importe quoi, on te met là-bas pour te mettre en confiance. Ce n'est pas toi qu'on met en confiance, c'est ton porte-monnaie. Quand tu enlèves de ton travail, tu vas savoir que c'est ton ennemi là-bas. Il dit, quand tu enlèves de ton travail, et que tu dis, pasteur, ça fait deux mois, on ne va pas travailler, on ne va pas payer, je suis de chômage. Assiste-moi, tu vas voir son vrai visage. La personne qui t'appelait frère va te dire que, vous allez comprendre. Continue ici, frère. Il dit que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Quand les pasteurs d'aujourd'hui lisent là, dit que si tu es appelé à un ministère, deviens prophète. Donc quand on lit ici que tu es appelé à un ministère, reste à ton ministère. Lui, il entend que si tu es pasteur, aspire à devenir apôtre. Par conséquent, tu entends quelqu'un, il dit, tu es quoi, évangéliste? Demain, tu es quoi? Je suis devenu apôtre. Comment tu es devenu apôtre? Il dit, non, j'ai créé quatre églises, l'un à Brazzaville, l'autre là-bas, donc je suis devenu apôtre. Donc en créant les églises, on devient... Je ne sais pas d'où ils sortent avec ça. Quand vous allez les voir, posez la question que le frère Jean a demandé, que vous sortez d'où avec ça. Demandez-leur. Que comment se fait que tu parles, que des pasteurs à apôtre, comment? Ce n'est pas l'échelon des graduations dans la fonction publique. Ici, tu es apôtre parce que tu as été appelé à un service bien déterminé. Tu peux parler, frère? Je crois que tu voulais dire qu'on peut devenir apôtre en devenant pasteur. Voilà. Donc, ce n'est pas des grades de l'armée, on quitte des sergents à sergent, chef, caporal, chef, ainsi de suite. Ce n'est pas ça. Tu es apôtre. L'apôtre Paul dit, mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part, il avait mis à part en tant que apôtre. Donc, il est apôtre. Parce que l'appel qu'il a, c'est l'appel de l'apôtre. Vous y êtes, frère. Voilà. Puis, il dit, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Vous y êtes? Et que celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Vous avez vu? Donc en clair, la Bible veut dire que chacun reste dans son couloir. Si vous prenez un musicien, vous dites que mince, le type s'y a vraiment fait du bien dans ce pays-ci. Vous le mettez médecin. Toi-même, tu partiras te soigner de lui. S'il prend l'aiguille, il fait comme ça, dans la salle d'opération, tu vois, il fait comme ça, pop. Vous allez accepter? Vous allez accepter ça, frère? Votre président, là, il est bien pour jouer le jeu de la politique. Si vous voulez tomber malade, on va à l'hôpital, vous voyez le président en dit, je suis le premier citoyen gabonais. Il prend les seringues. Toi-même, tu vas dire qu'ici, ça ne passe pas. Pas vrai? Parce que ce n'est pas son rôle là-bas. Quand le médecin vient, vous voyez que le médecin, surtout quand il est encore blanc, vous dites, le docteur, c'est quoi? C'est le fils de Dieu. Tu es d'abord temporisé parce que tu sais que non, celui-ci sait de quoi il est question. Parce que c'est son rôle là-bas. Même dans le monde, le principe du monde devrait nous enseigner cela. Dans l'armée, quand les gens vont en guerre, on sait que le peloton, si le chef, c'est celui-là, celui qui donne l'ordre. Chacun ne dit pas qu'on bat pas comme ça. C'est qu'à la guerre, vous devez vous entretuer là-bas. On sait que le droit, c'est celui qui dit ordre. Quand il lève la main, il lève. Quand il faut ça tirer, on tire. S'il n'a pas donné l'ordre, on ne fait pas. Ici, chaque personne fait comme il veut avec le nom du Seigneur. Le plus grave, c'est que c'est parce que Dieu ne frappe pas directement. Chacun fait avec son nom comme il veut. Amen. Amen. Vous voulez poser, vous dormez? Oui, vous dormez encore, il va encore parler des femmes ici. Oui. Pose la question, ma soeur. Souvenez-vous, je vais vous donner le livre d'Éthique, chapitre 2, versets 3 à 5. Verset 11 à 13, puis je vais vous donner 1 Pierre, chapitre 4, et puis je vais vous donner 2 Pierre, chapitre 3, n'est-ce pas? Je vous ai donné ça. Et 1 Corinthiens, chapitre 2. Oui. Oui. En fait, je voulais savoir, lorsqu'il y a une insistance par rapport à quelqu'un, par exemple, si vous êtes parti d'un endroit, par exemple, d'une église, oui. Et que d'une dénomination, disons ça, appelez le nom d'une dénomination, vous ne pouvez pas partir de l'église. Si vous êtes dans l'église, vous ne pouvez plus sortir. Si vous êtes hors de l'église, vous pouvez entrer si vous y êtes destiné. Mm-hmm. Et que cette personne a pour habitude, c'est fréquent quoi. Oui. Ça revient toujours. Oui. Par rapport, par exemple, comme vous dites, à l'enseignement du pasteur, et que cette personne reçoit constamment, par exemple, qu'il faudrait aller dire, dire par exemple par rapport à l'enseignement qui est outre que la parole à ce pasteur. Oui. Vous voyez un peu, vous le recevez par exemple la première fois, vous le recevez la deuxième fois, et puis ça insiste. En fait, vous ne savez pas comment faire. Mm-hmm. En fait, je voudrais savoir quelle est la conduite vraiment à atteindre. Bon. Et aussi, par rapport, il n'y a pas seulement, par exemple, au sein de l'église, mais au sein de la dénomination. Ça va arriver d'abord, tu vas y arriver. Voilà. Mm-hmm. Aussi, par exemple, dans la famille. Oui. Dans la famille. La même chose, la même chose par exemple, se répète, ou par exemple, vous pouvez recevoir une interpellation, par exemple, le Seigneur interpelle par rapport à quelqu'un qui vit, par exemple, dans telle condition, et il vous le révèle. Vous savez même que cette personne-là, dans la famille, vraiment, c'est de la manière dont... La question, c'est qu'est-ce qu'il faut faire, n'est-ce pas? La question est que qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que souvent, il y a des hésitations par rapport à ça. Je pose la question. Tu dors également de la même façon. Le Seigneur te dit, lève-toi, ta porte est ouverte, les bandits viendront. Qu'est-ce que tu fais? Pour faire quoi? De la même façon, il faut obéir comme tu as suivi l'autre là. D'accord? Et il va vous dire quelque chose. Quand je suis allé prêcher et que le Seigneur me dit quelque chose pour quelqu'un, je regarde la direction. Ça, vous faites le songe par rapport au message. Avec le Saint-Esprit, j'essaie le bon moment pour vous dire la chose à telle personne. À d'autres, comme nous sommes ici là, à d'autres, je suis en train de m'adresser dans la prédication. Parce que c'est ce qui me cache derrière la prédication. Vous voyez, n'est-ce pas? C'est le même moment pour que je ne sois pas votre ennemi trop. J'ai dit ça dans la prédication, sachant à qui je m'adresse. Parce qu'il dit comme ça, la personne n'a plus me saluer. Alors, je passe derrière la prédication pour transmettre le message. À d'autres, c'est à côté que je les prends pour leur dire. Vous voyez, la Bible dit que l'esprit du prophète est soumis au prophète. Donc, le prophète arrête et à un moment donné, il le donne comme il veut. Mais le problème là, c'est que j'aurais souhaité de prendre le temps aussi pour parler de ces choses-là, mais il faut qu'on aille à construire d'abord les bases. Lorsque vous avez reçu quelque chose contre avec quelqu'un ou bien pour quelqu'un, les gens hésitent à cause du manque de confiance au Dieu qu'ils servent. Ça, c'est le vrai problème. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent, ah, mon frère, je ne sais pas si c'est Dieu qui m'a dit ça, mais si je ne sais pas si c'est Dieu qui m'a dit ça, c'est pour ça que c'est hésitant. Quand on a la relation avec le Seigneur, quand Agabus a quitté Jérusalem pour se présenter devant Pierre, devant Paul, il n'a pas hésité. Il dit, ainsi parle l'Esprit. L'homme pour qui appartient ce Saint-Esprit sera lié de cette façon-ci. Il a transmis son message, il n'a rien à voir là-dedans. Donc, ça veut dire qu'il avait une relation de confiance avec le Seigneur. Il savait qui lui a parlé. Mais aujourd'hui, quand on rêve, on dit que je ne sais pas si c'est Dieu qui m'a montré. Au pire des cas, on dit que Satan m'a dérangé cette nuit. Vous comprenez? Donc, on a plus conscience de la présence satanique que la présence de Dieu. D'où la nécessité de rester dans la prière et cultiver la relation avec le Seigneur. Pour qu'il vous dit à telle personne si vous lui dites. Vous me comprenez, n'est-ce pas? Donc, c'est ce manque de confiance. Souvent, voici mon épouse, quand on prêche quelque part, souvent, je vais vers quelqu'un. Je lui dis, madame ou bien monsieur, voici telle chose, telle chose, telle chose. Quand on dit comme ça, la personne qui a plus peur, c'est mon épouse. Et dès qu'elle dit comme ça, là, peut-être ça peut être faux. Je lui pose la question, comment ça peut être faux? Il y a des gens, vous vous asseyez, vous ne savez pas quel est votre problème. Le Saint-Esprit vient commence à parler d'une chose, même toi-même, tu es surpris. De là où la source en est devenue, tu restes seulement tranquille. Mon rôle, c'est de transmettre. Alors, quand il transmet, il reste tranquille. La personne reste tranquille. Il dit, mais de quoi est-ce qu'il parle? Après, il réfléchit doucement. Il voit effectivement que c'est là où ça vient. D'autres choses, tu racontes à quelqu'un, il ne doit même pas savoir. Parce que tu regardes celui-ci, par exemple. Tu dis que trois générations plus tôt, quelque chose s'est passé dans ta famille, comme ça, comme ça. Comment au moins il peut savoir? Vous voyez? C'est comme en Côte d'Ivoire, il y avait un enfant. Il était assis là, il vient le premier jour. Il dit, ça va, et oui. Qu'est-ce que vous faites sur le bateau? Qui fait la... C'était quoi? Dans la mer. Il me regarde comme ça, il dit, celui-ci sort de la mer. Quand il dit ça, je vois son étonnement, je continue ce qu'il a fait, j'enseigne. Deuxième jour, je viens. Il dit, je t'avais dit, qui est mort dans la mer? Qui est mort dans la mer? Qu'est-ce que cette personne s'y fait dans la mer? Il me regarde encore comme ça, que celui-ci, c'est un sorcier, il sort d'où avec ça? Qui est mort dans la mer? Chez nous. Troisième jour, je lui dis, va vers ta famille, demande qui est mort dans la mer. Ah, quatrième jour, maintenant quand il est parti, il dit, frère Junior, oui, on m'a dit dans la famille qu'on avait un frère qui pêchait, il est mort dans la mer. C'est le premier jour que je lui dis ça. Mais lui n'est pas au courant. Et j'accepte qu'il est étonné. Parce qu'il savait que telle personne est morte, il m'aurait dit que c'est telle personne. Ok. Cette personne-ci avait fait alliance avec Mami Wata. Il n'a pas respecté les clauses. Et cette chose-là touchait toute la famille. C'est ce qui est ton problème. Donc ton problème vient de cela. Vous voyez ça? Vous restez tranquille. Quelqu'un va faire alliance. Il cite tous vos noms là-bas. Il n'est pas là. La même alliance vous suit. Et tu restes comme ça. J'aime la joie dans mon cœur. Jésus est ma source de joie. Tu vas voir de quoi il est question. Il faut que cette alliance-là soit brisée. Mais regardez bien, le message vient à un endroit donné où tu t'attendrais le moins. La personne va seulement égriner les chapelets de blocage. J'ai fait telle chose, ça ne marche pas. Mais le problème, c'est que ça, c'est ce qu'il constate. Le problème, c'est quelle est la cause? Quelle est la source de cela? C'est la source qu'il faut doiter. C'est n'est-ce pas? Donc, transmettre le message, c'est assez facile. Quand Dieu dit lâche, je lâche. Quels sont les prêcheurs ici? Est-ce que c'est moi qui ai écrit ça? C'est pour ça que je fais que vous lisez. Parce que si vous n'avez pas de Bible, vous allez dire, vous allez me mélanger dans la maison aussi. Mais quand c'est écrit dans votre Bible, vous allez vous en prendre à votre Bible. C'est comme ça que je fais avec le message. D'autres cas, ils savent que c'est violent. Je lâche seulement là-dedans. Quand ils parlent de Marie qui est devenue les gens qui font les hôtels, je sais à qui ils m'adressent ici. Parce que ça ne va pas, on part dans les grottes, on récite Marie, ça ne donne pas, on mélange. Ça, c'est pas ça. Que Dieu vous bénisse. Oui. Si par exemple, je rêve que vous aviez le sac là. Oui. Amen. Oui. Et vous, le sac était posé et vous êtes venu toucher le sac et vous êtes tombé. Oui. Tombé, vrai. Oui, vrai. Oui. Mm-hmm. Après, le matin, je vous dis, ah, frère Junior, je vous ai vu la nuit. Oui. Il y avait un sac posé. Oui. Vous avez touché à ce sac, vous avez pris le sac et vous êtes tombé. Oui. Et demain, vous allez voir le sac là. Posé là-bas. Posé. Mm-hmm. Et vous allez prendre et tomber. Après, vous allez dire que c'est telle personne qui m'avait dit que si je prends le sac. Donc là, tu as peur de dire le message. Non. Tu as le peur de dire. Oui. J'ai transmis mon message. Oui, la personne est tombée comme effectivement. La personne est tombée. Oui. La personne est tombée. Oui. Et la personne dit que c'est si toi. Je suis tombée, c'est toi. Mais où est le problème? C'est toi, c'est vraiment toi, non? Quel est le problème? C'est toi qui as fait ça. Ça, c'est biblique. Quand Jérémie allait transmettre le message, on lui a dit que c'est lui qui fait que Nebuchadnezzar vient dans cette ville pour déranger. On l'a mis en prison. Il faut subir. C'est pas ça. Attends, qui a dit? Oui, mais même Jérémie avait seulement transmis le message. Les autres qui ont subi, qu'on a coupé la tête, ils avaient seulement transmis le message. L'apôtre Paul, quand il traitait, quand on lui a dit tout à l'heure dans ce message qu'il a dit là, qu'on va le lier pour aller à Rome, on l'a lié à Jérusalem. Quand on a tapé, quand on tapait là, c'est pas le Saint-Esprit qu'on tapait. Quand on a tapé, Dieu n'est pas venu dire qu'il va aveugler les gens qui le tapent. Dans la nuit, il n'est pas venu dire que patience. Il s'est assis sur une chaise devant lui, il a dit prends courage. De la même façon comme tu as témoigné, il n'a pas fait cas de tapement. Il dit de la même façon comme tu as témoigné, on aurait mon nom là, tu vas faire aussi à Rome, tu comprends? Il dit oui, il est quitté, il est parti. Tu comprends? Voilà, c'est lui qui transmet le message, c'est le message de Dieu. Quand le tape, c'est bien. Des questions? S'il n'y a pas de questions, j'ai fini là, j'ai fini. Non, c'est pas terminé. Ça dit que s'il n'y a pas de questions, j'ai fini. Oui. Comment je veux savoir quels sont les dons que nous avons? Oui. Bonne question, c'est ça, ça va en droit de lien avec ce qu'il en est. Mm-hmm. Donc je crois que c'est mieux qu'on continue, n'est-ce pas? 1 Corinthiens chapitre 2, vous avez la notice là, les versets 12 à verset 16. Oui. 1 Corinthiens. Chapitre 2, je vous aime vraiment. Je crois que quand le Seigneur va venir, on va se retrouver en haut. Souvenez-vous qu'il vous a amené ici aujourd'hui. Souvenez-vous qu'il vous a destiné à écouter ces choses-ci. Amen. Souvenez-vous. Amen. 1 Corinthiens chapitre 2. Et verset 12. Regardez. Ou bien prenons à partir du verset 11 là. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne. Prêtez attention maintenant. Prêtez attention. Elle n'a pas encore trouvé un Corinthien là. On peut continuer là. Ouais, vous pensez qu'elle va trouver un Corinthien dans l'Ancien Testament? C'est le frère Fabien qui dit qu'elle aime les soeurs. Voilà, une soeur à côté d'elle, à côté de lui, en train de souffrir, il ne vient même pas en aide. Un Corinthien, je vous en conjure, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, après mon départ de ce pays-ci, prenez la responsabilité de lire votre Bible. Prenez cela comme une habitude. Comme vous mangez chaque matin, chaque soir, lisez la Bible. Lisez la Bible en demandant au Seigneur, Seigneur, aide-moi à marcher d'après ce qui écrit dans sa parole. Allez-y, n'ayez pas peur. Dites seulement, Seigneur, même s'il rencontre n'importe quoi, même si ça me fait mal au cœur, aide-moi à vivre d'après elle. D'accord? Que Dieu fasse habiter sa parole sur votre cœur. Comme je vais, vous dites que, ok, il est parti, il ne serait pas là. Ce n'est pas moi qui vous jugerai. Il va vous juger parce qu'il sait que vous êtes ici. Il m'a envoyé vers vous. C'est parce qu'il vous aime qu'il m'a envoyé ici. Ok. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 11 et suivant. Si je pars, vous dites qu'un cougar qui dérange comme ça, qui reste même au Cameroun, il n'y a pas de problème. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. Verset, le volet suivant, regardez bien. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Soulignez cette ligne-là, il parle. Il dit de même. Quand par exemple, vous restez sur place, dans la nuit, vous méditez sur votre projet, ce que vous avez fait le matin, peut-être vous allez faire le commerce, peut-être vous allez aller visiter telle personne. Quand vous méditez ça, c'est vous seul, votre esprit qui connaît ce que vous méditez en tant qu'homme. Puis on prend cette similitude-là, on dit de même. Personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. C'est ça, n'est-ce pas? Maintenant, ceci implique automatiquement ceci. Alors, regardez, ça veut dire que les dons, comme les dons, les grâces, les affaires sont les choses de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui doit le connaître. C'est ça, n'est-ce pas? C'est l'Esprit de Dieu qui doit le connaître. Maintenant, le volet souvent dit, or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu. Regardez, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a donné par sa grâce. Alors, ça, la réponse de toutes les questions qu'on pose là se trouve là contenue. Parce qu'on avait vu là-bas que chaque le don là-bas c'était donné par grâce. Dans Romains chapitre 12, nous avons lu aujourd'hui. On a dit que celui qui a appelé à l'exhortation, c'était à son exhortation. C'est selon la mesure de don de grâce que Dieu a départi à chacun. Ok, vous dites, ok, ces choses que Dieu a départi, comment les connaître? La Bible dit que ce n'est pas l'esprit de Dieu. Vous voyez? Donc, il dit, oh, nous n'avons pas reçu l'esprit qui vient du monde, mais l'esprit qui vient de qui? De Dieu. Afin. Donc, pour pouvoir savoir lequel des dons tu as reçu, comment tu es appelé, c'est par l'esprit de Dieu. Donc, première chose, il faut que tu sois en Christ. On a vu ça hier, n'est-ce pas? Et être en Christ, on avait conclu hier avec 1 Corinthiens, 1 Jean chapitre 4, verset 13. Nous savons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en lui en ce qu'il nous a donné de son esprit. Quand il te donne son esprit, il n'y a pas d'ambiguïté. Tu sauras ce à quoi tu as été appelé. Parce que la Bible dit, cet esprit-là te révélera cela. Tu as vu ça, frère? Ok, maintenant regardez. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu afin. On reçoit cet esprit afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Donc, comment savoir les choses que Dieu nous a données par sa grâce? Par son esprit. Donc, au préalable, on ne met pas la charrue avant le bœuf. On ne cherche pas à connaître les dons et les appels avant le bœuf. Au préalable, il faut être en Christ. Donc, il faut entrer dans le projet, dans le plan. On entre dans le plan. À cet instant, c'est regarder l'apôtre Pierre que nous avons lu dans Luc chapitre 7. Quand il était en bordure de mer, il faisait ses œuvres. Quand Jésus dit, lève-toi, suis-moi désormais, il entre dans le haut, dans le plan. Tout ce qui va arriver maintenant, c'est pour la formation et l'accomplissement de ce plan-là. Vous êtes avec moi? Maintenant, voici autre chose maintenant pour que vous compreniez. Cet appel de l'apôtre Paul, Pierre particulièrement, et puis de l'apôtre Paul, ont une image à nous présenter. Pierre faisait un travail séculier qui était une préparation à son travail spirituel. Donc, à son appel. Il travaillait en pêchant des poissons. Il gagne des poissons dans la mer, dans le trouble. L'eau, c'est le symbole du trouble. Il ne peut pas chercher le poisson pour mettre à l'abri. C'est la même mission que Dieu lui envoie et que Dieu lui accorde d'aller chercher les gens dans ce monde troublé pour les mettre à l'abri. D'accord? Moïse, quand il sort de l'Égypte, il quitte le trône du Pharaon. L'école que Dieu lui envoie, c'est l'école des brebis dans le désert. il prend les brebis, il les fait tourner dans les yeux. Je vous lance le défi. Vous connaissez ce qu'on appelle les brebis, n'est-ce pas? Les moutons. Dans un lieu désert, qui soit sans, tu les contiens à passer à un endroit. Quand il a vu l'eau de l'autre côté ou bien la lèvre de l'autre côté, tu vas voir comment pousser un mouton. Tu vas pousser un ici, aller pousser un autre par là, aller pousser l'autre par là pour les regrouper dans un endroit. Il a fait ça pendant un an, hein? Pendant 40 ans. Il a quitté l'Égypte, il avait quel âge? 40 ans. Il a duré dans le désert jusqu'à ce que Dieu se présente à lui combien de temps? 40 ans. 40 ans de formation. C'est un défi, pas vrai? Un grand défi. Lorsqu'il finit, Dieu dit, va en Égypte, prends mon peuple, tu l'amènes ici, là où tu as fini l'entraînement. Vous avez vu? Donc sa formation physique, le travail séculier qu'il faisait, était en prélude à son travail spirituel avec Dieu. Même chose avec David, berger. Il faisait paître les brebis de mon père. Vous voyez cela? Il faisait paître les brebis de mon père. Et si un lion l'attachait, arrêtait un, j'ai lâché, jusqu'à ce que j'ai rattrapé ça dans toutes ses mains. Donc si je suis à Israël, je vais défendre Israël jusqu'à ce que personne ne touchera Israël. La formation, pour entrer dans la formation. Donc certaines personnes ont les prémices de leur appel, même quand ils ne sont pas encore chrétiens. Il y a des gens qui ont le don de bonté, c'est-à-dire que la miséricorde, ils donnent la liberté. Même quand ils ne sont pas chrétiens, ils sont bons. Il ne sait pas pourquoi son cœur est comme ça. Dieu l'a fait comme ça. C'est en préparation pour que quand il entre dans le plan, il commence à être bon à tout le monde pour exercer la miséricorde. D'accord? Les autres ministères sont compliqués. Quand quelqu'un est prophète, bon, je ne veux pas vous compliquer la vie. Donc, grosso modo, vous voulez connaître le don pour lequel vous avez été appelé. La première question à vous poser, vous-même, c'est oui ou non. Est-ce que j'ai l'esprit de Dieu? Parce que si vous avez l'esprit de Dieu, on a dit que cet esprit doit vous révéler. C'est les choses que Dieu vous a données. C'est la solution là, dans la Bible. D'accord? Maintenant, le problème c'est que cet esprit-là n'est pas obligé de vous parler par vous-même. Vous avez compris? Dieu a dit à Ananias que cet homme-là, c'est un instrument que j'ai choisi. Donc, Ananias connaissait l'appel de Paul. Vous avez vu? Et je l'ai établi pour qu'il porte mon nom devant les rois. Donc, il peut venir vers lui, lui annonce son appel. L'apôtre, l'évangile de Timothée ne connaissait pas, jusqu'à ce que ça lui soit transmis même par imposition des mains des anciens, en communiquant par don de prophétie. Mais là, c'est toujours l'esprit qui en est de révéler. Donc l'esprit peut révéler le don de quelqu'un au travers d'une autre personne. Mais fondamentalement, préparez-vous à sa visitation. Sanctifiez-vous, nettoyez ce qu'il faut nettoyer. Ôtez de vous ce que vous pouvez ôter. Ce qui dépend de Dieu, laissez Dieu le faire. D'accord? Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Des questions? Oui. Une question? Oui. Là, sur la parabole de la prière de Jésus. Oui. Quand tu poses la question de savoir comment doit-on prier? Oui. Après, ce qui est un peu bizarre, ce qu'il dit, que ton nom soit sanctifié. Dans l'une des. Oui, dans Luc chapitre 11 et dans Matthieu chapitre 6. Quand il dit que ton nom soit sanctifié, oui. J'aime le comprendre pourquoi Jésus ne peut pas encore dire. Au lui, il est sanctifié déjà. Oui. Lui, il est saint. Oui. Mais il dit encore. Que ton nom soit sanctifié, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Non, il ne prie pas. Il dit que quand vous priez, dites que le nom soit, le Père soit sanctifié. En fait, mais le Père est déjà sanctifié. Oui. En fait, ce n'est pas lui qui est sanctifié. Oui, le Père règne. Le Père qui est saint, lui, oui. Il est sanctifié. Oui. Mais comment peut-être ça peut le manger de dire que ton nom soit sanctifié? Non, c'est parce qu'il n'a pas le désir de prononcer que ton nom soit sanctifié, comme le catholique le dit. Quand il dit, en fait, c'est une parabole. Quoi. Oui, c'est une parabole. Donc, quand il dit que ton nom soit sanctifié, il n'est pas en train de dire. Que prononce que ton nom soit sanctifié. C'est parce qu'on a dit 2 Timothée chapitre 2. Allons-y. 2 Timothée chapitre 2. Donc, c'est un autre long enseignement, mais je vais seulement répondre avec ce verset-là rapidement. C'est ça donc qui a cloué les catholiques. Tu vois quelqu'un sur l'église catholique. Il a le carnet avec les prières des mains comme ça là. Marie qui dénoue les nœuds. Marie dénoue les nœuds. Ou du moins, qui a attaché les nœuds pour que Marie les dénoue? Cette personne, le mari, va avoir le problème de santé. Tu dis, tu as un problème de santé, il faut prier, Dieu dit, notre Père qui sait que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme un ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Mais là, c'est pour une maladie. Demain, elle veut voyager, elle n'a pas d'argent. Il dit, notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Là, c'est le problème de l'argent qu'elle a besoin. Un autre jour, elle doit voyager, elle veut la protection du Seigneur. Elle dit, notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Vous voyez qu'il faut la délivrance aux catholiques, n'est-ce pas? Il faut beaucoup de délivrance, n'est-ce pas? Lorsqu'on vous écrit une prière que vous répétez, vous êtes un sorcier. Parce que la prière ne consiste pas en répétition des mots. C'est pour ça que vous voyez que quand ils sont entrés à l'intérieur, ils disent, prier maintenant, envoyez le feu. Par le feu, ils disent, je brise. Regarde. On ne brise pas comme ça. Ce n'est pas la puissance du Saint-Esprit qu'on prie. Amen. La prière ne consiste pas en récitation, mais c'est de prier par le Saint-Esprit. Vous récitez les prières. En fait, d'abord même, vous l'avez récité des années, ça a changé. Il vous faut la délivrance. Tu ouvres la Bible le matin, mercredi, Saint-Michel l'Archange. Parlez tous les saints, Marie, Sainte Marie, Mère de Dieu. Priez pour nous, pauvres pécheurs. On dit que toi, tu pries pour les pécheurs, tu dis que c'est Marie qui prie pour vous, pauvres pécheurs. Ce n'est pas la sorcellerie. Mais la Bible déclare, invoque-moi. Qui a parlé? Qui parle? Invoque-moi. Dieu dit, invoque-moi. Tu es ici, Sainte Marie, Mère de Dieu. Priez pour nous, pauvres pécheurs. Dieu dit, invoque-moi. Quand tu dis Sainte Marie, Mère de Dieu. Dieu dit que tu veux invoquer sa mère. Bon, Dieu a une mère, son père c'est qui? Dis à quelqu'un que arrête les bêtises. Arrête les bêtises. Dis, non, regarde quelqu'un dans les yeux, tu dis arrête les bêtises. Donc le Seigneur Jésus, normalement si vous lisez la Bible de la bonne façon, vous devez savoir que quelque chose ne va pas. Les gens, les disciples viennent vers Jésus, ils disent apprends-nous à prier comme Jean l'a fait à ses disciples. N'est-ce pas? Il leur dit, lorsque vous priez, dites. Maintenant, je pose la question. Dans la progression de l'évangile, vous avez vu un seul disciple prier comme ça? Les disciples ont demandé ça à Jésus. Vous les avez vus quelque part prier comme ça? C'est quand même curieux. Donc, les gens disent que non, voici Jésus qui a dit notre Père. Ok, les gens qui avaient demandé ça, ont-ils prié comme ça? Donc, Jésus leur donnait un enseignement. Et ils ont compris quand ils voulaient prier. Personne, ce n'est pas une récitation que Jésus leur a dit. C'est un enseignement par rapport à la prière. Donc, vous voulez entrer dans une prière? Vous voulez que j'enseigne la prière? Comme Jean a fait? Oui. Comprenez les principes de la prière. Quand vous priez, dites notre Père qui est au ciel. Donc, de commencer par savoir que Dieu est au ciel et vous êtes sur la terre. Que ton nom soit sanctifié. C'est-à-dire, quand vous prononcez son nom, vous devez quitter le péché. Lisez 2 Timothée chapitre 2. 2 Timothée chapitre 2. Tu y es, mon frère, là, tu peux trouver. Lis-nous le verset 19 et le verset 20. Allons-y. Oui. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout. Oui. Avec ces paroles qui lui servent de sceau. Première parole. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Stop. Voilà la première parole. On a vu ça ici, il y a un fond encore. Il connaît ceux qui lui appartiennent. Par cette parole-là, il dit que tout le monde lui appartient. Ah. Fin de citation. Continuons. Deuxième parole. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. C'est en ce sens que son nom est sanctifié. Parce qu'il a dit, je suis saint, vous, soyez saints. Tu as vu ça? Donc c'est un enseignement. On va y revenir si Dieu le permet. Que Dieu vous bénisse. Merci. Bonne soirée. Amen. Comment c'était pour que ça soit.